Ce soir, on enchaîne avec l'harmonisation des corps. Il était resté en plan l'idée du jeûne psychologique. J'avais trouvé ça intéressant. Peut-être qu'on pourrait le ramener à soi. Oui. Est-ce que, Daniel, le jeûne psychologique, si une personne, disons, en arriverait à faire cette espèce de vide, de vacuum mental, ça suffirait à au moins équilibrer l'étage de la psychologie? Bon, disons premièrement qu'il y a plusieurs paliers de jeûne psychologique. Alors, on va juste, avant, disons, d'aborder le jeûne psychologique, faire juste un petit retour sur la séparation des corps, de façon à ce que les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière puissent juste avoir une petite idée et en même temps aussi pour rafraîchir un peu la mémoire à ceux qui y étaient. Maintenant, la conférence de la semaine dernière est quand même disponible sur cassette audio, alors ce qui fait que si vous voulez en savoir plus, ce serait le meilleur moyen. On parle dans l'ésotérisme de 4 corps planétaires et de 3 corps extraplanétaires. Ceux-là ne m'intéressent guère pour l'instant. Les 4 corps planétaires sont facilement perceptibles par l'homme. Il y a premièrement le corps physique, chose qui est évidente. Deuxièmement, on a quelque chose qui permet d'animer ce corps, quelque chose qui différencie un corps mort d'un corps qui dort. Et ça, c'est la vie. Et cette vie, on la retrouve dans des légumes, on la retrouve dans des fruits. Et si on cueille un légume ou un fruit, on peut le laisser mûrir un bout de temps. La vie l'habite. C'est l'énergie vitale. Donc, c'est le corps vital au niveau de l'ésotérisme. On a le corps astral qui se trouve à être le corps psychologique, le corps des émotions, le corps des mémoires, le corps des désirs. Et vous savez tous que malgré que vous avez un corps physique, vous avez aussi des désirs, des peurs, des craintes. C'est différent de votre corps physique. C'est le corps astral. Et on a un corps mental qui est présentement exprimé sous forme de corps d'intellect chez l'homme, l'intellect étant le corps mental naissant, corps mental assujetti à la coloration ou à la manipulation de l'émotion ou de l'ego. Ce corps mental qui naît chez l'homme au niveau, souvent, disons, surtout perceptible par l'intellect, au niveau de l'intellect, c'est ce qui vous permet de prendre des décisions radicales, logiques, mathématiques, disons, décisions qui vont être souvent colorées par votre émotion, colorées par le corps astral. La séparation des corps, on l'a vu la semaine dernière, c'était d'essayer de prendre conscience que nous avons des lois psychologiques, des lois d'ordre astral, donc, qui essaient de régir le cheminement évolutif du corps physique, du corps vital ou du corps mental. Cela veut dire que je ne mange pas pour nourrir mon corps physique, je mange pour nourrir mon corps psychologique, mon corps astral. Je mange des choses qui sont, esthétiques, des choses qui me plaisent au goût, et non pas des choses qui vont aller en harmonie écologique avec les lois de mon corps physique. Je vais m'habiller avec des pantalons trop serrés, oui, mais ça me plaît, c'est ça. J'habille mon corps psychologique, pas mon corps physique. Lui, s'il y a un manque de circulation sanguine, ben, c'est pas grave. Je vais, par exemple, décorer mon visage avec différents processus chimiques. C'est mon corps psychologique encore que je veux voir. Le corps physique, s'il a de la difficulté à respirer à travers tout ça, c'est pas grave. Et continuellement, l'homme a eu une évolution de souffrance et l'homme a voulu évoluer seulement et exclusivement parce qu'il était écœuré. C'est pour ça que l'homme veut évoluer. Et quelle que soit la raison psychologique ou spirituelle, quelle que soit la démarche qui va sous-tendre l'évolution de l'homme, l'homme et la femme ne veut évoluer que parce qu'il veut fuir la souffrance. De ce fait, l'homme psychologique recherche un paradis où il n'y aura plus de souffrance, recherche une sécurité dans des maîtres, des guides, des prêtres, des dieux, recherche une sécurité dans des samadhis, dans des édens du plan de l'astral, d'après le monde des morts. L'homme recherche une fuite de la souffrance et il est en quête d'un bonheur. Un bonheur paradisiaque, un bonheur éternel ou un bonheur immédiat et présent. Donc, quelle que soit la religion, quelle que soit la secte, l'enseignement traditionnel, normalement, on voue l'enseignement à l'évolution du corps psychologique de l'homme, ce que j'appelle le corps astral. Mais cette évolution psychologique tend à obliger une évolution physique assujettie aux lois de la psychologie évolutive. Cela veut dire que l'homme va, si dans son contexte d'évolution psychologique, il doit bannir le corps physique, alors il ne le lave plus, il ne le nourrit plus, il s'en fout. Il peut même aller jusqu'à le maltraiter, à le percer, à le martyriser. mais le corps physique permet l'évolution dans le plan planétaire, dans le plan matériel de l'homme. Et l'homme ne peut pas obliger sa matière physique à suivre une cote d'évolution donnée, paramétrée par le plan psychologique. Et c'est pourquoi l'homme souffre continuellement dans son évolution. L'évolution n'est pas facile pour personne, parce que personne n'est écologique. Personne n'est capable, ou la majorité sont incapables, de comprendre l'intelligence de la présence d'un corps matériel sur la planète. Vous savez que dans le monde des morts, on n'évolue plus. Dans le monde des morts, qu'est-ce qu'on fait? On recherche des contacts avec le monde des vivants. Alors, certaines personnes vivantes qui ne sont pas suffisamment capables de s'autogérer peuvent servir de médium. Ils vont permettre aux êtres du monde des morts, qui ne sont que des formes mémorielles de choses passées, ils vont permettre à ce monde parallèle de pouvoir s'exprimer dans le plan de l'homme vivant. Mais l'homme vivant ne veut pas s'exprimer dans le monde des morts. Mais le monde des morts veut s'exprimer dans le plan de l'homme vivant, parce que dans le monde des morts, il n'y a pas d'existence propre. Il n'y a pas d'évolution non plus. L'homme n'évolue que lorsqu'il vit. Et de ce fait, l'homme tient à conserver sa vie. Lorsque l'homme tend à créer un cadre d'évolution qui fait fi même de la vie, qui fait fi des lois régissant le plan vital de l'homme, quand vous êtes fatigué, c'est parce que vitalement, il vous manque de quoi? Quand vous êtes malade, c'est parce qu'au niveau du plan vital, il s'est passé quelque chose qui a été exprimé par votre matière physique. Vous êtes malade. Et tout ça au nom d'une démarche psychologique. Je suis stressé. Dans la psychologie, ton corps physique a une ulcère d'estomac. J'ai peur. Dans la psychologie, ton cœur se met à battre à un rythme affolant. J'ai le désir de telle chose. Dans la psychologie. Et le corps physique, ce n'est pas qu'il faut, disons, déifier le corps physique. Mais si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vos jambes ont pu vous supporter. Votre corps physique, disons, supporte votre cerveau et votre corps physique va où votre cerveau veut que le corps physique aille. Et le corps, le cerveau, c'est aussi une matière physique qui exprime des connotations énergétiques du plan vital, du plan astral, du plan mental ou pour certaines rares entités du plan supramental. Maintenant, le corps physique, on doit l'entretenir. Et ça, dans la démarche évolutive, on ne l'entretient pas. De temps en temps, on y pense. On crée une philosophie du végétarisme, par exemple. On crée différentes choses pour plaire à un concept psychologique de l'évolution. Encore une fois. Mais pas parce que l'on comprend l'intelligence de s'améliorer. Et c'est ça que l'homme doit faire. Lorsque l'homme est mal pris, il s'en sort parce qu'il souffre. Il ne s'en sort pas parce qu'il comprend l'intelligence d'économiser de l'énergie. Séparation des corps, prendre conscience que lorsque je mange, je nourris mon corps physique et mon corps vital. Prendre conscience que lorsque je suis fatigué, c'est parce que j'ai hypothéqué mon corps vital, surtout d'une façon un peu trop dense. Donc, je dois me reposer de façon à réénergiser ce corps vital pour que le lendemain, je puisse me lever en forme avec un corps physique totalement reposé, avec un corps vital plein d'énergie, donc je suis tout plein de pep, tout barbouillé d'enthousiasme. Et j'ai de cette façon la possibilité d'exprimer une psychologie patiente, sereine. Parce que quand vous êtes fatigué physiquement, vous êtes colérique, vous êtes impatient. Parce que tout ce que la psychologie peut faire sur le corps physique peut aussi lui remettre. Et ça, on appelle ça, c'est relié à la loi, disons, de karma ou d'action-réaction. Lorsque vous prenez conscience de cette séparation des corps, que chaque forme d'expression, on peut appeler ça des plans, mais sachez bien que le nom qu'on donne, c'est une terminologie pour arriver à communiquer. Et ceux qui ont de la difficulté, disons, à suivre cette terminologie, après 2-3 semaines, on suit très bien. Et elle est hyper adaptée à l'évolution de l'homme. Beaucoup plus que si nous parlions, d'ailleurs cette terminologie ne vous expliquerait rien de plus non plus, d'égo, de super-égo, d'infra-égo, de conscient, de subconscient, de surconscient, d'infra-conscient, d'inconscient. On prend le même terme puis on le joue un peu partout. Lorsqu'on a pris conscience que physiquement, j'ai des lois qui me régissent, Donc, mon alimentation a une certaine importance parce que je ne nourris pas mon plan psychologique, je nourris mon plan physique. Si en plus j'aime ça, tant mieux. Mais pas en premier. Et si en plus ça me nourrit, tant mieux. La mode doit être régie par les lois auxquelles elle s'adapte. Au plan physique. S'habiller pour être à l'aise. Et si en plus ça me plaît, tant mieux. Pas l'inverse. Et la séparation des corps, prendre conscience de ces mécanismes, c'est prendre conscience d'un écosystème de vous autres. C'est arriver à vous connaître. Mais pas spéculativement, pas philosophiquement, pratiquement. Totalement pratiquement. Et lorsque nous abordons justement le jeûne psychologique, l'harmonisation des corps, c'est pour pouvoir harmoniser ces différents corps, ben, il faut évidemment arriver à saisir qu'il y a une nuance entre l'expression corporelle, l'expression de la vie, l'expression de mon émotion, l'expression de mon intellect. Et l'intellect, je rappelle que c'est un amalgame de mémoire, souvent contrôlé par l'émotion. Je peux construire une bombe nucléaire parce que j'ai suffisamment accumulé en moi de connaissances sur l'atome, sur la fission nucléaire, sur la destruction et qu'est-ce que cela va créer comme destruction dans le plan psychologique de l'ennemi. Parce que la bombe nucléaire, c'est pas dans le plan matériel qu'elle fait peur, c'est dans le plan psychologique. Lorsque j'ai ce schéma mémoriel, mon émotion vient me dire que j'ai peur. J'ai peur des Russes, j'ai peur des Hindous, j'ai peur. Et ayant peur, mon émotion va assujettir mon plan intellectuel et va lui ordonner de créer quelque chose pour me sécuriser. Et là, j'invente la bombe nucléaire. Et quel que soit ce que l'homme va inventer, il l'invente parce qu'il en a un désir. Mais un désir qui va amener de la sécurité chez lui. C'est pour ça que l'homme s'arme continuellement, parce que l'homme a peur. Pas parce que l'homme est courageux, parce que l'homme a peur. Et c'est même pas de la prudence. C'est parce que l'homme a peur. Lorsque l'intellect se désassujettit de l'émotion, c'est ce que nous appelons le plan mental. Lorsque l'homme arrive à mentaliser, lorsque l'homme arrive à voir clairement, sans que sa vision soit colorée par l'émotion, alors là, il peut connaître le Russe comme qu'il est. Et le Russe ne lui fait plus peur. Parce qu'il ne voit pas le Russe comme il veut le voir, comme la propagande l'a éduqué à le voir. Comme il est. Vous savez qu'on a des hommes extrêmement bien habillés, bien arrangés, qui passent la drogue aux frontières. Mais on ne les regarde pas. On regarde les cheveux longs, les barbes. Ceux-là, on les regarde. C'est ça le problème. On a de l'émotion. On ne peut pas voir clairement la chose. L'harmonisation des corps, c'est que lorsqu'on a compris que le corps physique avait des lois qui le régissaient, que pour me réénergiser, pour me sentir en forme, je dois aussi avoir une dose d'énergie vitale, parce que le corps physique est fatigué, surtout parce qu'il accumule de l'acide lactique. Phénomène qui va se créer lorsqu'on manque d'oxygène, lorsque le travail musculaire se fait d'une façon anaérobique, c'est-à-dire en dette d'oxygène. Cela va créer un acide qui s'appelle de l'acide lactique. C'est ça qui fait qu'on a des crampes, qu'on se sent raqué, à un moment donné, après un petit peu d'effort, parce que le système circulatoire n'est pas adéquat. C'est une fatigue physique, et pas grosse. On se repose un petit peu, puis ça s'en va. Il faut qu'on dorme longtemps pour être reposé. Parce qu'on doit aussi récupérer de l'énergie vitale qui anime le corps physique et on doit surtout récupérer de l'énergie psychologique pour pouvoir mieux en gaspiller le lendemain. L'harmonisation des corps, c'est d'être capable de créer une entente. Une diplomatie corporelle entre le plan mental, le plan astral, le plan vital et le plan physique. Cela veut dire que j'ai tel goût psychologique. Est-ce que ce goût psychologique, je peux l'harmoniser avec une réalité physique? Mais il faut que l'homme pense comme ça. Parce que sinon, votre évolution continue à être difficile. Parce qu'à un moment donné, vous avez tel problème pathologique, ça fait 15 ans, 20 ans que vous le préparez. Et vous demandez au médecin de faire un miracle. Immédiatement, je veux qu'il me guérisse, sinon, bon, chiale, on broute, on change de gouvernement. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut prendre conscience immédiatement que notre santé, c'est nous autres qui la créons. Et pas qu'on mérite, que le médecin nous la doit. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on marche. Le fait de boire des tisanes, ça change des choses. Le fait d'être végétarien, ça change des choses. Mais ça change pas grand-chose. Il y a encore bien des malades qui sont végétariens. Quand ils sont pas carrément bloqués par leur concept végétarisme qui les empêche d'aller manger avec d'autres personnes, parce qu'on sert de la viande ou du poisson. L'harmonisation des corps, il doit commencer par l'entretien du corps physique selon ses lois. Et ces lois-là, je ne vous les expliquerai pas, je pense que tout le monde les connaît. On a suffisamment de livres faciles à lire au niveau médical pour connaître les lois du corps physique. On a des livres, des programmes de cuisine, de diète complète, de tout ce qu'il faut pour avoir raisonnablement, matériellement, minéralement, protéinement, en fibres, en tout, pour avoir un corps en santé. Ça, c'est facile. Le problème n'est pas là. Là, on va dire, eh oui, mais est-ce que je vais avoir la volonté de... Est-ce que mon plan psychologique va me permettre d'être en santé? C'est ça qui est la question. Mais votre plan psychologique, c'est vous. Et votre plan mental, c'est vous. Et ces deux-là vont s'astiner souvent dedans votre tête. C'est ce qui se passe souvent. Je veux, mais je peux pas. Quelque chose de plus fort en moi qui m'empêche. C'est vous autres. C'est vous autres. L'harmonisation des corps, bien, ce soir, on va parler, disons, de certains mécanismes qui vont rendre plus facile cette harmonisation, mais ça ne l'harmonisera pas globalement, totalement, finalement. Ça va permettre, disons, plus facilement de vous faire prendre conscience de l'importance d'un corps physique qui se tient debout. Et ceux qui sont un peu plus âgés, c'est pas une excuse. Ceux qui sont un petit peu obèses, c'est pas une excuse. Ceux qui fument, c'est pas une excuse. Ceux qui sont malades, c'est pas une excuse. C'est des maudites bonnes raisons pour commencer. C'est pas une excuse. Ça va être plus dur, c'est ce que vous pensez. Et même ceux qui sont en santé s'occupent pas plus d'eux autres que vous autres. Ils sont en santé, comme vous l'avez déjà été. Pour l'instant, ils sont en santé. Alors, il ne faut pas se dire, oui, mais lui, c'est facile, c'est un petit jeune, puis il est en pleine santé, puis tout ça. Mais j'en connais, moi, des petits jeunes qui sont en parfaite santé, qui ont déjà été très malades, très obèses, très tout ce que vous voudrez, puis présentement, travaillent. Ça fait 2 ans. Ça marche. Ça marche. C'est une chose qui est facile. Tout ce qu'il y a, c'est que vous ne devez pas être impatient. Ça, vous devez comprendre ça. Ne pas être impatient. Si vous voulez avoir un résultat instantanément, immédiatement, après 2 mois de travail, puis vous n'en avez pas un, ça ne marche pas, vous lâchez tout, ben vous ne l'aurez jamais. C'est que de le dire que vous passez à côté. Vous devez être patient envers vous. Vous savez, vous voulez faire quelque chose, puis à un moment donné, vous n'avez pas la volonté de le faire. Puis après, c'est passé. Lâchez pas. Luttez pas trop, mais lâchez pas. Puis à un moment donné, ça va être facile. Puis ça, il faut que vous compreniez ça. Pour la santé physique, pour la santé vitale, pour la santé psychologique, pour la santé mentale, c'est facile. À la condition que vous ne cultiviez pas chez vous le concept de la réussite. Parce que là, vous réussirez pas. Oui, mais ça fait 6 mois, là, puis je suis encore un maudit niaiseux. C'est pas un maudit niaiseux. Ça fait 30 ans que tu te programmes. Ça fait 6 mois que tu essayes de te déprogrammer. Lâche pas. Lâche pas, ça marche. C'est facile. Puis j'ai bien dit de lutter pas trop. Ça, c'est important. Parce que si vous luttez trop, c'est parce que vous voulez vous inculquer la réussite. Pensez-y. On va y revenir de toute façon. Comment faire pour arrêter de fumer? Es-tu intelligent de fumer? Non. Tout est intelligent. Ce que tu fais ne l'est pas. C'est pas pareil. Je devrais t'arrêter? Fin de penser. Parle-en. Es-tu intelligent? Ben non, c'est niaiseux, c'est tout tarlant. Je suis encore pogné. Parle-en. N'aie pas peur d'en parler. Tu vas finir par trouver ça tellement stupide que tu vas même réussir à convaincre tous les mécanismes en toi qui te permettent de fumer, d'arrêter de fumer. Tu n'auras pas eu à forcer. Ça va prendre 6 mois, ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. Parfait, mais tu ne seras pas dopé au café, tu ne seras pas devenu obèse parce que tu as arrêté de fumer. Tu vas avoir encore tes amis et tu n'auras pas divorcé. C'est important. C'est ça le problème. On vise, on a un critère de réussite. Moi, je veux arrêter, j'ai de la volonté, il faut que je me le prouve. T'as rien à te prouver. Pourquoi faut que tu le prouves? Pour rien. Ça, c'est des problèmes psychologiques du monde de l'astral qu'on va, on va élaborer suffisamment amplement de toute façon au niveau de l'avenir. Mais vous devez juste en parler. Pas dans votre tête. J'ose dire ça à quelqu'un. Donc, avec la parole, elle vous transforme bien plus que juste en parler dedans sa tête. Avant que tu pousses peut-être plus loin l'aspect psychologique, Daniel, on remarque que chez les êtres humains, souvent, si une personne pousse un aspect un peu plus que la moyenne, la collectivité extérieure va essayer de le niveler au niveau de la moyenne. Pendant que lui, à l'intérieur, le côté qui lui est facile, exemple, quelqu'un qui fait de la recherche, ça va être facile de toujours faire de la recherche. Donc, de se ramasser, mettons, avec un corps peut-être intellectuel, mettons hypothétiquement un chiffre 85%, puis un corps vital à 15%. L'harmonie, est-ce qu'elle implique automatiquement un équilibre à 50% pour toutes, ou il est possible d'avoir une harmonie avec des chiffres variés? Bon, l'harmonie des corps va amener l'homme à la longue, l'homme nouveau surtout, à avoir 100% dans tout. Un corps physique d'athlète, un corps vital qui l'exempte presque de sommeil, et qui réduit sa nourriture. Parce qu'au lieu de manger 4 pommes pour amasser l'énergie d'une pomme, t'en manges une, mais tu l'assimiles au complet. Ça, c'est le problème aujourd'hui, parce que plus tu manges, plus tu instruis ton corps à assimiler peut-être 20% à 30% de la nourriture, qui est assimilable. Et moins tu manges, le jeûne physique a ça comme avantage, juste réduire la quantité de nourriture amène, puis ça c'est une chose qui a rapport à l'harmonisation des corps au niveau du plan physique, réduire le quota de nourriture, nourriture équilibrée évidemment, c'est sûr que si tu manges rien que des bananes, si tu réduis tes bananes en plus, mange la plus avec, tu as des problèmes. Mais si tu as un régime équilibré et que tu diminues, tu sais, tu manges 3 gros repas, mangeant donc 3 moyens, tu vas avoir faim. Mais à un moment donné, tu vas commencer à assimiler plus ta nourriture. Tu auras besoin d'en manger moins. Donc, tu vas gaspiller moins d'énergie vitale et d'énergie biologique à la digérer parce qu'il y en a moins. Tu réduis, puis à un moment donné, tu vas te sentir juste correct. Tu vas manger moins. Tu vas avoir moins besoin de manger. Tu vas dormir moins. Tu vas te sentir mieux. Tu auras moins de fatigue. En tout cas, il y a un paquet de phénomènes au niveau, disons, du plan physique. Puis lorsqu'on vous pile sur un pied, puis qu'on vous l'écrabouille comme il faut, psychologiquement, comment vous vous sentez? Faut croire que la psychologie de l'homme est manipulée par ses pieds. Mais il faut croire surtout que l'état de votre corps physique détermine beaucoup l'expression de votre psychologie. Le fait d'avoir un corps en santé, ça l'aide à maudire l'évolution. Parce que tu chiales plus, parce que t'es bien. Puis il y a plusieurs choses. Ça règle pas tout, ça l'aide. Il y a quelqu'un qui m'expliquait ici juste avant, tantôt, avant de monter, qui fait beaucoup de courses et puis qu'avant une course importante de 25-30 000, il va manger beaucoup de potage, de carottes, des choses de même pour que son organisme ait soif d'hydrates de carbone pour acculer le mur psychologique où, à un moment donné, tu tombes en hypoglycémie. Donc, on voit la souplesse, finalement, que le mental peut donner. Comment ton corps est obligé d'obéir, finalement, à un moment donné? Bien ça, regarde, tu as des maladies qui sont traités avec des placebos. C'est quoi ça? C'est une petite pilule jaune, là, que c'est écrit Valium dessus, là, mais c'est rien que du sucre. La personne prend ça, puis maudit qu'elle se sent bien. Puis ça, on a beaucoup de médecines, de médecins qui vont prescrire des placebos pour commencer, puis si ça fonctionne pas, ben là, ils vont aller lentement. Des médecins qui sont pas trop médecins pilules, là, qui vont commencer avec du sucre. Puis certaines personnes, ben on leur dit pas, parce que quand ils découvrent, ils créent, mais ça m'a coûté 15$ pour acheter une boîte de sucre. C'est, oui, mais ça t'a coûté 15$ pour te guérir. Ben ça, tu le verras pas. Ça, c'est la boîte de sucre que t'es fait fourrer. Mais si on t'aurait vendu du sucre, t'aurais chiolé autant. Des pelules, tu voulais. Alors, effectivement, le plan psychologique, lorsqu'il accepte quelque chose, il transmet, il le permet. Mais ce qui arrive, c'est que le plan psychologique se permet tout. C'est lui qui évolue, c'est tout. C'est lui qu'il faut qu'il soit heureux, c'est tout. C'est lui qu'il faut qu'il mange parce qu'il aime pas souffrir la faim. C'est tout. C'est lui qui veut de la boisson au début. C'est lui qui veut se droguer. C'est lui qui s'habille. C'est le corps psychologique. C'est ça qui est le problème, c'est qu'il peut tout. Pouvant tout et étant un peu fou, puisque le corps psychologique, tu vois, votre psychologie, c'est pas fort. Quand vous voulez aimer quelqu'un, vous pouvez l'aimer, mais quand vous voulez dire, vous n'êtes pas capable, trouvez-vous ça intelligent. Bon, quand vous haïssez quelqu'un, vous n'êtes pas capable de dire, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas dire que c'est tout à fait coordonné. L'homme est extrêmement intelligent. Le seul handicap, c'est que l'homme se refuse de l'accepter. L'homme préfère faire des erreurs, ne pas risquer d'en faire, parce qu'à un moment donné, à force d'en faire, tu finis par penser que tu ne vaux rien. C'est sûr, celui qui fait rien ne fait pas d'erreur, aucun problème. Ceux-là, on les enterre, on n'en parle plus. Puis ceux qui font des erreurs, ben, au moins, ils restent dans l'histoire. Puis ils permettent, ils servent de base puis de pilier aux autres qui vont suivre. Ils risquent de ne pas recommencer les erreurs. L'harmonisation des corps, bon, il y a des petites choses simplement que j'aimerais que vous... La semaine dernière, j'avais demandé d'essayer de séparer vos corps dans votre activité. À un moment donné, vous allez voir un film. Qui va aller voir le film? Sur mon corps physique? Non. Bon, mais s'il vient, vous pouvez le traiter comme du monde parce qu'il m'en donne des choses. Sur mon corps vital, c'est parce que vibratoirement, je me sens mal, je me sens amoché. Peut-être pas ça. Sur mon corps psychologique, veut distraire? Ouais, sans doute. Si mon corps mental qui veut s'instruire ou mon corps psychologique qui veut s'instruire, peut-être. La raison, là, est toujours bonne. L'idée, c'est pas de commencer à critiquer vos raisons, mais au moins en prendre conscience. Ça, c'est la séparation des corps. Fait que là, je m'en vais voir un film, mais je sais c'est qui va voir le film. Pas mon corps physique, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ça. Fait que si je veux drainer jusqu'à 5 heures du matin, il faudrait que je pense. Le corps physique est là, lui, puis il suit. Mais est-ce qu'il peut se permettre ça? Est-ce que le corps vital peut se permettre ça? À un moment donné, on vieillit très rapidement parce qu'on a hypothéqué tout ce qu'on avait besoin pour continuer à être en santé, pour être énergisé. C'est l'énergie vitale qui crée ça. Prenez juste conscience que si on prend une cellule, la cellule, elle se divise, elle se reproduit par division cellulaire. Elle se divise en deux. La cellule est en parfaite santé, elle arrive à une certaine taille, elle se divise en deux petites cellules qui vont, à un moment donné, grossir, se rediviser en deux cellules, grossir, se rediviser en deux cellules. Ça meurt jamais, ça. Ça meurt pas. Ça se divise éternellement. C'est pour ça que l'homme continue à vivre. À un moment donné, vous allez mourir cellulairement, mais vos enfants vont vivre et vos enfants ont été créés à partir de vos cellules. Alors, comment ça se fait qu'il y a quelque chose dans l'homme qui est totalement immortel dans le plan de la matière? Pourquoi que mes cellules à moi se divisent et à un moment donné s'épuisent à se diviser, alors que la cellule d'une plante, d'un protozoaire, d'une bactérie va se diviser éternellement sans jamais se fatiguer? Bien, il y a un fichu problème. Il y a quelque chose qui scientifiquement se peut, l'immortalité, mais pas chez l'homme, pas chez l'animal. Du moment qu'il y a un corps psychologique qui commence, un corps astral qui commence à se développer, comme chez la plante, non, très faible. La plante réagit à l'émotion pareil. Elle a des émotions végétales. Il y a l'animal qui est un corps astral. Il y a des émotions, il y a des désirs, il y a des peurs. Puis il y a l'homme. Puis tout ça, ça meurt. Tout ça, à un moment donné, ça pourrit. La cellule ne se divise plus. Elle dégrade, elle se défait en molécules, en atomes. C'est perdu. Alors, il y a un processus chez l'homme qui n'est pas tout à fait en harmonie. Et ce processus-là, c'est l'énergie vitale. Donc, l'homme doit se réénergiser vitalement. L'énergie vitale, c'est pas qu'une farce philosophique. Présentement, dernièrement, la médecine traditionnelle, la médecine biologique, vient d'accréditer l'acupuncture, qui, elle, travaille avec l'énergie vitale. Alors, il y a le méridien et les méridiens Yan, qui sont de l'énergie vitale solaire, chaude. Il y a les méridiens Yin, qui sont de l'énergie vitale tellurique, froide. Humide. Et prochainement, la médecine va aussi découvrir l'énergie ominale, qui est une troisième forme d'énergie vitale, qui n'est pas non plus connue par l'acupuncture, qui va aussi servir à la guérison au niveau de l'avenir. D'ailleurs, ça a leur rapport un peu au magnétisme animal. Mais on se rapproche de ça. Cette énergie vitale-là, elle est connue. Mais elle n'est perceptible que chez l'homme vivant. La médecine traditionnelle qui étudiait des cadavres, ben, elle ne l'a jamais découvert. C'est évident, c'est la vie. Hein? Alors, lorsqu'une personne est morte, elle n'a plus de vie. On verra pas la vie chez elle. Réharmoniser les corps. Alors, on va y aller, on va commencer par certaines formes. Je pense que ça va vous donner une petite idée de ce qu'il faut faire. C'est à votre guise de l'essayer. C'est un petit peu pratique. Ça sert à quelque chose, l'évolution, à un moment donné. Point qu'à agrémenter des soirées de salon. Harmonisation du corps physique. Ben, c'est évident que si l'homme se permettrait, mais il faut évidemment, de toute façon, on a une période de questions après, alors s'il y a des choses qui ne sont pas saisies, ben là, évidemment, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Mais si vous êtes capable de vous priver de nourriture une journée par semaine, C'est salutaire, le corps physique. C'est facile. Je vous demande pas de tout régler vos repas, de tout checker. Tu sais, il y a des choses, à un moment donné, l'homme, il s'en va, il commence à... Bon, ben ça, il pèse sa viande, il pèse... Quand tu fais un régime, il faut que tu le fasses. Mais je veux dire, quand t'as pas besoin de régime, toutes les fois que tu regardes quelque chose, tu viens bleu si tu vois un produit chimique. Quand tu sais qu'il y a du bicarbonate de soude dedans la petite vache, t'arrives à la poubelle. Puis la petite vache, ben c'est du bicarbonate de soude. Fait que, tu sais, il va dire, à un moment donné, il faut pas que tu viennes fou non plus. Mais tout vérifier, c'est pas nécessaire. Parce que le corps physique s'adapte en tabarouette à tout ce qui peut se passer. Mais à un moment donné, on exagère. Disons que si on peut baisser, réduire la quantité de repas, ça va déjà aider le corps physique. Et l'homme, vous allez vous en sentir mieux. Puis pas après un mois, après une semaine. Si on est capable de jeûner une journée par semaine, c'est déjà très bon. Mais c'est des choses encore que faut avoir un régime équilibré, il faut faire attention l'hiver pour avoir suffisamment de nourriture pour résister au froid. Parce qu'il y a des régimes qui sont extraordinaires. C'est incroyable en Floride, en Jamaïque, Hawaï. Mais ça marche pas en Russie, en Roumanie, en Norvège, en Suède, au Québec, au Canada. Parce qu'ici, on a un climat qui est différent. Faut faire attention. C'est préférable, vous savez, que vous inventiez vous-même vos propres recettes que d'aller chercher dans des livres. Essayez-le simplement, vous allez voir, ça finit par marcher. Réduire un peu son apport d'aliments. Évidemment, ceux qui sont anorexiques, faites-le pas. Je parle pour ceux qui mangent beaucoup. Faut adapter. Ça a l'air comique, mais il y a du monde à un moment donné qui... Bon, ben maman, ça y est ça. Ben oui, mais tu pèses 92 litres, tu mesures 6 pieds 8. Fais pas ça. Mange. Non, mais c'est souvent le problème. C'est que regardez bien. Vous allez quelque part, ou vous lisez des livres, ou vous écoutez une émission de télévision, puis vous prenez tout. Mais rarement vous allez adapter. Vous allez vous adapter à ça. Mais rarement, vous allez rester vous autres pour adapter ça à vous autres. Ça, faut le faire. Très, très important de ne pas vous déformer pour une technique. Une technique qui ne peut pas être déformable pour s'adapter à vous autres, prenez-la et mettez-la aux poubelles. Si ça ne se déforme pas pour entrer en poubelle, mais mettez-la dans un sac. Ça va rentrer. Parce que vous ne devez pas vous déformer pour vous adapter à une technique, c'est très important. On est déjà suffisamment déformé pour s'adapter à une société qu'on a créée en plus, c'est encore bien plus drôle. On est suffisamment déformé pour s'adapter à un emploi, pour s'adapter à un cadre social, à un cadre familial. Mais si vous voulez vous améliorer, continuez pas à vous déformer. Il y a des choses qui sont correctes. Vous savez, la personne qui vient folle à cause qu'elle veut être végétarienne, son mari veut pas suivre, sa femme veut pas suivre, c'est la chicane, elle n'est pas évoluée, puis elle est perdue, puis bon, tout ça. C'est la personne qui crie qui est perdue, pas l'autre. C'est pas parce qu'on est plus perdu qu'on se retrouve. Au niveau du plan physique, manger convenablement, ça va. Savez-vous pourquoi il faut qu'on mastique? Pourquoi qu'on nous suggère de bien mastiquer, de manger lentement? Certaines personnes vont dire pour mieux jouir du goût. C'est pas pour ça. On doit mastiquer pour une raison biologique qui est celle de préparer un bol digestif pour que la digestion se fasse mieux. C'est une petite chose. La majorité de ceux qui mangent rapidement sont presque en aussi bonne santé que ceux qui mangent lentement. C'est un peu ça, mais pas ça. C'est au niveau du plan vital qu'on doit mastiquer. Si vous mastiquez lentement, au niveau du plan vital, à part la viande, là, quand vous mangez des légumes, quand vous mangez des choses vivantes, toutes des trucs qui sont mûrs, qui ne sont pas cuits. Okay? Ça, c'est important de manger le plus possible de fruits, de légumes non cuits. C'est vivant. Et pour savoir si c'est vivant, c'est facile, mettez-le sur une table. Dans le matin, s'il ne pue pas, il est vivant. C'est bien facile. Non, mais c'est simple, allez pas voir dans un livre. Sentez-le. Laissez le temps de mettre votre nez là-dedans. Vous mangez ça, et plus vous allez mastiquer lentement, plus vous allez absorber par votre bouche de l'énergie vitale qui est contenue dedans ce que vous allez manger. c'est de la vie que vous absorbez. Et il n'y a que la langue qui peut absorber l'énergie vitale de la nourriture. C'est le plus grand capteur d'énergie vitale de la nourriture et c'est en mastiquant lentement qu'on laisse le temps à notre bouche d'absorber l'énergie vitale de façon à nous nourrir. Mais il y a d'autres choses au niveau de mastiquer lentement. C'est que tous les minéraux, tout ce qui est facilement solvable dans la salive, donc dans l'eau, est presque instantanément absorbé par le système sanguin. On n'a même pas besoin d'attendre qu'il soit digéré. C'est absorbé automatiquement. Vous savez, ceux qui font de l'angine le savent, on a des petites pilules qui s'appellent des nitros, entre autres. Il peut y avoir de l'isordil, mais disons du nitro. On la met en dessous de la langue pour soulager une douleur angineuse. Pourquoi? Parce qu'en dedans d'à peu près 5 minutes, elle est complètement absorbée par le système sanguin. C'est presque comme si on l'avait injectée. Et si on la mange et on l'avale, ben ça va prendre du temps. Alors, mastiquer lentement au niveau physique, mais reminéraliser plus facilement. On a des médecines présentement qui justement prônent ce genre de cure, où on a des médicaments qui sont en teneur extrêmement dissoute de minéraux, et on met ça en dessous de la langue. Ça guérit. Et c'est infime la concentration de minéraux dedans, le médicament, mais ça fonctionne. Marcher lentement, mais moi, disons qu'on a un axiome au niveau du PMC, du programme de contrôleur qu'on donne ici, qui est que l'homme ne peut contrôler parfaitement que ce qu'il connaît parfaitement. Mais vous devez savoir ce que vous faites, parce que sinon, vous le ferez pas. Puis ça, c'est la seule expression intelligente de l'homme. Quand il sait pas ce qu'il fait, il le fait pas. Une maudite chance. Ça l'aide pas. Des fois, ça nuit, mais ça l'a sauvé l'homme souvent. Marcher lentement, parce qu'on absorbe de l'énergie vitale, on absorbe de la vie par la bouche. Lorsqu'on mange des choses vivantes. Donc, évidemment, essayez de manger des choses vivantes le plus souvent possible. Je dis avec, si tu manges de la viande, ben, mange la vivante. C'est au moins avoir de l'énergie vitale. L'homme doit respirer. Vous avez déjà d'ailleurs toutes remarqué ça, que l'homme devait respirer. Maintenant, l'homme, certaines traditions enseignent une respiration lente. Contrôler sa respiration, respirer lentement. Certains parmi vous ont sans doute déjà pu expérimenter le fait que lorsqu'on est apeuré ou lorsqu'on est en colère ou angoissé, si on prend quelques bonnes respirations, ça diminue. Ceux qui ne l'ont pas expérimenté, ben vous savez quoi faire. Expérimentez-le, vous allez voir. C'est incroyable de voir comment ça nous calme. Alors, pourquoi que 3 ou 4 ou 5 grandes respirations vont calmer notre état psychologique? Parce que, en prenant des grandes respirations, non seulement vous allez mieux oxygéner votre corps, ce qui donne plus d'oxygène au cerveau, ce qui augmente le taux vibratoire cérébral, ce qui donc donne un corps en meilleure santé le temps de l'inspiration, comme lorsque l'on baille pour se réénergiser. Ben, cela permet à la psychologie de s'exprimer plus librement, plus facilement, et permet surtout au mental de voir plus clair, votre conscience. Vous voyez plus clair et ça vous calme. Mais ça, c'est un mécanisme qu'on explique depuis longtemps dans les écoles traditionnelles. Mais respirer lentement fait que dans votre nez, il y a évidemment plusieurs filtres, et en passant, vous devez toujours inspirer et expirer par le nez. C'est préférable. Parce que ceux qui inspirent par le nez, qui expirent par la bouche, le nez filtre l'air des poussières, et quand le filtre est plein, ben ça passe. Et quand on expire par le nez, on débarrasse aussi le filtre. On peut se moucher aussi. Lorsque vous inspirez lentement, vous permettez à des capteurs qui sont situés dedans vos fosses nasales, le nez, c'est pas rien que c'est à l'extérieur, ça va aussi un peu à l'intérieur, de capter de l'énergie yang et de l'énergie yin qui se trouvent dans l'air. En inspirant lentement, on réénergise son corps. En inspirant convenablement, avec une amplitude thoracique et abdominale, suffisamment volumineuse, sans vous forcer, bien, vous allez amener plus d'oxygène et plus d'énergie vitale à l'intérieur de vos poumons. Et expirer lentement, les poumons ne captent pas d'énergie vitale. Et en expirant lentement, cela repasse par le nez, donc on recapte. Le corps vital, c'est ce qui, comme on l'a vu la semaine dernière, permet l'expression d'une forme mémorielle dans la matière. Le verre garde sa forme parce qu'il a une mémoire. Pas de mémoire comme la vôtre, mais la forme reste, c'est mémorisé. Comme sur une photo, c'est une mémoire. Et l'énergie vitale et l'énergie matérielle sont intimement reliées. Chaque fois que vous allez prendre une nourriture matérielle, vous prenez automatiquement une nourriture vitale. Mais c'est pas digéré et assimilé par la même région corporelle. Alors, on inspire de l'air pour prendre de l'oxygène, pour éliminer du gaz carbonique et pour énergiser nos plans vitaux, qui, eux, vont donner une connotation de santé à notre corps physique. L'harmonisation des corps, elle peut se faire par une autre petite technique qui devrait être plus employée. Cela paraît simple, ce que je vous dis là. Et c'est ça le problème, c'est que quand c'est simple, on peut pas écouter, on peut pas croire, on peut pas essayer, on veut pas. Et quand c'est compliqué, ben on se plaint, on comprend plus rien, c'est compliqué. Puis il n'y a pas d'entre les deux. Au niveau du plan de l'expression vitale chez l'homme, il y a des méridiens à la surface. Il y a des vaisseaux sanguins à l'intérieur. Et à la surface, sous-cutané, en dessous de la peau, on a des vaisseaux énergétiques, des méridiens d'énergie. Ces méridiens, on peut les stimuler par la nourriture, par la poncture, comme l'acupuncture, par des moxa, par des stimulations. On peut les stimuler par plusieurs formes de choses. Maintenant, sachez bien que les vêtements trop serrés nuisent énormément, non seulement à la circulation sanguine, mais aussi à la circulation de l'énergie vitale. On a, et j'aimerais ça que tout le monde fasse juste cette petite expérience, de façon à ce que vous l'appreniez convenablement. Soyez pas gênés, c'est pas compliqué. Vous avez tous chacun deux mains pour l'instant. Et vous avez un pouce. Juste à l'intérieur, ici, entre l'index et le pouce, on a un point d'acupuncture qui est un méridien du poumon. Maître, c'est lequel? Ici, il y a le cap gros intestin. Puis, juste à côté, le poumon est sur le pouce. Ouais, c'est ça. Parfait. Le quatrième point du gros intestin, c'est celui-là que je veux qu'on stimule. On prend notre pouce de l'autre main, on a un premier pli dessus. Fiez-vous pas à des mesures qu'on prend dans des livres, ça vaut rien. Fiez-vous à vos mesures. On accote le pli sur la ligne de peau qui est ici et on descend le pouce dessus. Juste où se trouve l'ongle, on peut masser, on est en plein dessus. Ce massage en rotation d'un sens ou de l'autre, et on le fait avec l'autre main, même chose. Un massage en rotation. J'aimerais que tout le monde l'essaye, ceux qui n'ont pas trop d'orgueil, là. Si c'est pas bon, ben vous le mettez aux poubelles, mais en attendant, au moins, essayez-le, vous l'apprendre. Pour pouvoir savoir où aller chercher, sinon vous risquez de vouloir essayer après dans votre toilette tout seul chez vous sans que personne ne vous voie, et vous ne serez pas capable de trouver où ce qui est. Bon. Parce que l'orgueil humain, ça fait bien des choses. Il y a ces deux points-là ici, donc c'est le même point chacune des mains. Et au niveau de la jambe, vous avez un os qui s'appelle le tibia. Ceux qui ont des grosses jambes, c'est le gros bien. Et on a la rotule juste en haut. Juste à côté, vers l'extérieur, on a un os qui s'appelle le péroné. D'ailleurs, la bobosse qui est ici, là, la malléole externe, c'est la protubérance du péroné. Si on suit, et ça, vous ferez ça chez vous, là, c'est le temps de faire ça dans votre toilette. Vous allez voir, à un moment donné, où il y a une jonction, où c'est solide, il y a une petite bosse à côté du genou, et à un moment donné, juste en dessous, c'est mou. On est entre le tibia et le péroné, des deux côtés. Et si on masse ces deux points-là encore, c'est bien banal, bien niaiseux, mais ça évite bien les médecins. Les acupuncteurs, c'est qui vont vous piquer. C'est pas compliqué. Alors, on masse ces deux points-là aussi, et ceux-ci, bien pas en même temps, vous en conviendrez que moi. Un après l'autre. Et ces quatre points, c'est pas des points miracles. Ça guérit pas dans grand-chose. Mais par contre, ça peut vous permettre de pas être malade souvent. Parce que, puis ça, c'est pas une heure de temps, là. Faites ça 5 minutes, là, en tout, là. 2 minutes et demie pour les points des jambes, puis même chose ici. Ça restimule, ce sont les quatre points au niveau de l'acupuncture qui sont les plus facilement stimulables et ceux qui donnent le plus facilement de gros résultats au niveau de l'harmonisation du corps vital. Et l'harmonisation vitale va harmoniser votre corps physique si vous mangez convenablement, à une vitesse convenable, et si vous prenez la peine de respirer. Pas de vous asseoir avec une position particulière, juste d'inspirer lentement puis d'expirer lentement. Parce qu'il y en a qui respirent lentement seulement quand ça pue. Tout le temps! Ce sont des techniques très banales, très faciles. Le seul problème, c'est que vous devez avoir la volonté juste de les essayer. Pas une semaine. Ça, c'est pour réharmoniser le corps vital. C'est pratique. C'est pas trop pratique. C'est des choses faciles à emporter chez vous. Essayez-les. C'est des choses encore plus faciles à pratiquer. C'est niaiseux et ça fonctionne. C'est ça qui est le plus écœurant, c'est que ça marche. Il faut l'essayer. Il faut le faire. Ça marche. Ça évite tellement, tellement, tellement de problèmes chez l'homme. Vous savez pourquoi qu'on a parti, à un moment donné, la mode des boucles d'oreilles? Il y a beaucoup qui ont des boucles d'oreilles. Ils trouvent ça élégant. Ils n'aiment pas les os dans le nez. Ils aiment les boucles d'oreilles. Ce sont les Chinois les premiers qui ont commencé à porter des boucles d'oreilles. Et la majorité des indigènes ont commencé à en porter. Et après ça, ils ont fini comme n'importe qui à décorer le reste. C'est qu'on a un point ici qui est extrêmement... Il est trop tard pour tous vous autres, là. On a un point ici que lorsqu'on met une boucle d'oreille dedans, et c'est un point d'acupuncture qui nous permet d'avoir une vision oculaire absolument impeccable tout au long de nos jours. Et en perçant là et en mettant une boucle d'oreille qui se promène tout le temps, il faut qu'elle se promène. Il faut qu'elle stimule le point. C'est comme si on piquait avec une aiguille. Ça garde aux enfants une vue incroyable. Il faut faire ça aux petits-enfants. Ben, pas aux adultes, ça guérit pas, ça conserve. Mais le problème de l'homme, c'est que l'homme ne veut pas s'entretenir. L'homme veut s'oublier, puis l'homme veut se guérir. Il veut pas s'entretenir. Puis l'homme nouveau va s'entretenir. Il n'aura plus besoin de se guérir. Il va être capable de s'entretenir. Ça, c'est de voir l'intelligence de se prendre en main. Puis c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. C'est régulier tout le temps. Vous allez apprendre à vivre, vous allez commencer à aimer ça, la vie. Puis quel que soit l'état physique, vital, psychologique ou mental du départ, ça se fait facilement. Et à un moment donné, on va de mieux en mieux. Pas parce qu'on est positif, parce qu'on fait quelque chose. Ça, c'est d'être intelligent, pas du positivisme. Le jeûne psychologique. La psychologie de l'homme, elle fait que... elle amène l'homme à être insécure, à être inquiet, à désirer des choses et avoir peur de les perdre lorsqu'il les atteint, à être angoissé continuellement. Aujourd'hui, c'est officiel que tous, vous avez eu à un moment donné un stress qui vous a traversé. Vous avez eu peur. En chauffant un auto, c'est affaire de rien. Vous avez eu peur. Il n'y en a pas un ici qui n'a pas eu peur aujourd'hui. Il y en a même qui ont eu peur tout à l'heure quand je suis arrivé ici parce qu'ils pensaient que la conférence a commencé. Ce phénomène psychologique va finir par s'interpréter dans le corps physique sous forme de pathologie. Et ça, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent que l'homme soit malade. L'homme est intelligent. Mais l'homme agit pas intelligemment parce qu'il sait pas. Il ignore qu'il est intelligent. Il ignore qu'il est capable de se prendre en main. Il laisse cette prise aux autres. Il laisse ça aux soins des autres. Le jeûne physique, c'est lorsque l'on prive le corps physique d'aliments nutritifs pour un certain temps parce que dans le corps physique, il y a suffisamment d'aliments nutritifs, la graisse, pour pouvoir permettre la vie du corps physique pendant un temps plus ou moins long. Le jeûne psychologique, ce n'est pas de vous couper complètement de vos mémoires. Ça, c'est un jeûne psychologique, mais ça, comptez pas là-dessus, vous ne serez pas capable pour l'instant. L'homme, un jour, va parvenir à ce jeûne psychologique initiatique, où il va complètement se couper de ses mémoires, tout en gardant la conscience de son être-té présente. C'est pas un lavage de cerveau. Parce que pour remplacer la mémoire qui permet à l'homme de savoir qu'il existe, qu'il vit, l'homme aura une conscience instantanée, un savoir non expérimenté. Ce que certains commencent à avoir. Et ça, l'homme pycéen, l'homme ancien, a de la difficulté à admettre qu'un jour, l'homme va être capable de savoir sans savoir. C'est-à-dire de savoir sans avoir eu de connaissances. C'est-à-dire de savoir des choses sans les avoir expérimentées. Tout au long de l'évolution humaine, il y a eu des êtres qui ont été appelés dieux, qui ont été appelés maîtres, qui ont été appelés gourous, qui ont été appelés fous, qui avaient cette possibilité de savoir sans l'avoir expérimenté. Imaginez-vous que lorsqu'une personne regarde des étoiles et qui, par feeling, pense que nous sommes, que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et après, sa recherche va lui prouver qu'il a raison. Lorsqu'une personne écrit un roman banal, où son héros va se promener sur la deuxième lune de Mars, sur celle qui tourne deux fois plus vite que l'autre, et que quelques centaines d'années après, on découvre deux lunes à Mars, et que 150 ans après, on découvre que l'une des deux tourne plus vite que l'autre, deux fois plus vite que l'autre. Et les voyages de Gulliver, vous pouvez lire. Et le bonhomme qui l'a écrit a parlé de choses qui n'étaient pas connues. Totalement exact. On se fie à des prophètes comme Nostradamus, Michel de Notre-Dame. On se fie à d'autres maîtres comme Moïse, comme le comte de Saint-Germain, comme Paracelse, comme Hermès, pour les alchimistes. On se fie à des choses. Et ces personnages, comment pouvaient-ils savoir des choses que vous, vous ignorez? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas les ignorer. C'est-à-dire que vous les ignorez dans le verbe d'action, vous ne voulez pas le savoir, mais vous le savez. Vous ne pouvez rien apprendre. Regardez simplement, quel genre de questions spirituelles vous vous posez? Quel genre de questions vous posez, les questions que tout le monde se pose? Parce que l'homme est un être assujetti à une conscience collective, il n'arrive pas à poser des questions que personne ne se pose. Lorsqu'il commence à se poser des questions que personne ne se pose, il n'y a que lui qui puisse y répondre. Et lorsque l'homme répond lui-même aux questions qu'il se pose, on dit qu'il est fou. Parce que l'homme ne peut pas répondre aux questions qu'il se pose, il doit les poser à quelqu'un d'autre. Et si l'autre lui répond, l'homme accrédite. À la condition que l'autre ait une autorité reconnue par l'ensemble, parce que l'homme est un être collectif. Sinon, il ne prend pas, il se sent mal. Son orgueil en prend une claque. Mais ça, vous allez finir et vous allez devoir finir par vous habituer à vous poser des questions et à essayer d'y répondre autrement que par la fichue réponse. Mais ça, je ne sais pas. Ça, c'est la réponse de l'homme. Chaque fois que l'homme pose une question, dans sa question, il y a la réponse. Je le fais souvent et si on lit une question, et bien souvent, on prend même le plaisir de faire remarquer que la réponse est dedans la question. Vous devez poser des questions, mais vous devez vous répondre. Et lorsque vous me posez des questions ou lorsque vous les posez à quelqu'un d'autre et que l'autre répond, vous ne devez pas accréditer sa réponse. Vous devez la comparer avec la vôtre. Le jeûne psychologique, c'est lorsque l'homme va être capable de se couper des liens avec sa mémoire, des liens émotifs mémoriels surtout. Et l'homme aura un jeûne psychologique réel lorsqu'il sera complètement désassujetti de la conscience collective. Cela veut dire que l'homme ne sera plus l'esclave de la pensée des autres. L'homme est l'esclave de la pensée des autres. L'homme se demande toujours qu'est-ce que les autres vont dire. Comment je dois m'habiller? Comment que je dois faire telle chose? L'homme a le trac de parler devant le monde. L'homme a le trac de faire des choses. J'ai juste à nommer une personne ici, là, et elle va se sentir gênée. Parce que l'homme est relié à une conscience collective où il attend que le reste l'accrédite. Et on a inventé, et ça, lentement, vous allez devoir essayer de sortir de ce mécanisme. Pas d'instruire les autres. Les autres, c'est de faire. Vous, de sortir de ce mécanisme où on a un paquet de contexte social absolument aberrant. J'en parlais dernièrement avec un ami. Lorsque l'on dit bonjour, on souhaite un bonjour. Alors, si tu réponds, merci. L'autre peut t'insulter. Faut que tu répondes bonjour. Si vous vous rencontrez tous les deux et que vous ne vous dites ni bonjour ni comment ça va, il y a un froid. Parce qu'on a appris à briser la glace parce qu'il y a une glace. La glace, il n'y en a pas. Comment ça va? Bien mal. Puis il commence à te compter tout ça. Là, tu regrettes en vache, tu lui as demandé comment ça allait. Parce que vous voulez pas le savoir comment ça va. Puis l'autre, il s'intéresse pas pantoute à votre état de santé. Mais on a des mécanismes sociaux qui nous permettent d'envisager un monde de mensonges, un monde d'illusion totale qui fait penser que c'est ça. On appelle ça du savoir-vivre. Puis il y a ceux qui savent vivre sont toujours frustrés quand ils rencontrent quelqu'un qui ne savent pas vivre. Pis celui qui ne sait pas vivre, il n'est jamais frustré, lui. Qui rencontre quelqu'un comme lui ou un autre, et puis il craque. Parce qu'il ne sait pas vivre, mais il vit. C'est sûr qu'à un moment donné, socialement, on doit élaborer des mécanismes pour arriver à s'entendre. Soit. Mais pas punir quelqu'un parce qu'il n'embarque pas. C'est ce qu'on fait avec les enfants. Il faut qu'ils comprennent l'intelligence d'un mécanisme. Moi, si je vais quelque part, ben j'embarque dans le jeu. Et moi, je comprends le jeu. C'est comique, comme on dit. Le jeune psychologique, c'est lorsque l'homme va arriver, mais on parle de jeune psychologique, disons que je vous suggère, parce qu'il y a des phases. Tout à l'heure, je te disais qu'il y a plusieurs paliers au jeune psychologique. Le jeune psychologique qui est nécessaire pour l'harmonisation des corps d'un être contemporain, d'un être normal, qui soit en transition vers l'homme nouveau, ou qui soit un homme ancien, ou qui soit un homme nouveau. Le jeune psychologique présentement qui est absolument nécessaire. Vous n'avez pas l'argent pour vous le permettre. Mais bordel, soyez plus riche. Gérez-vous. Gérez vos affaires. Privez-vous un petit peu. Mais payez-vous un jeune psychologique. C'est important. Ceux qui travaillent doivent de temps en temps s'en aller par ailleurs. Ça compte aussi pour la mère de famille. Elle travaille en maudit, elle. Quelque part ailleurs, comme dans un hôtel, comme dans un club, méditerranéen, comme dans n'importe quoi. Une place où elle n'a pas de linge à laver. Pas de repas à faire. Pas à rien. Une place où elle peut faire bring, bring. Ça commande son repas. Mais vous devez être suffisamment conscient de ce que vous faites pour pas, tous les fois, vous signer la facture, vous sentir crispé. Parce qu'il n'y a pas de jeûne psychologique de même. Puis ça, c'est pas faire ça en folie. À un moment donné, là, je t'écœurerai, je m'en vais. C'est pas ça. Ça, c'est pas ordonné. Ça, c'est psychologique. C'est pas ordonné. C'est pas ça. Mettez-en de l'argent. Vous voulez aller en Floride, là? Cessez de fumer. Vous allez pouvoir vous payer un voyage en Floride. Ceux qui fument pas, c'est un problème. Commencez à fumer, vous arrêtez de fumer, vous allez pas aller en Floride après. Non, mais c'est pas compliqué. Vous placez 5$ par semaine, 10$ par semaine, 52 semaines. Ça fait de l'argent. Mettez 20$ par semaine, vous êtes capable. Puis à la fin d'un an, vous êtes capable de prendre une semaine ou deux semaines. Puis si vous êtes le moins vraiment organisé et intelligent, vous pouvez prendre 3 semaines puis 4 semaines avec le même montant d'argent. Hein? Dernièrement, là, nous autres, on est quelques-uns sans vos pirou pour un mois de temps. Le billet d'avion, il est 945$. Puis là, on va aller le chercher tout à l'heure, là, il est 675. C'est le même billet, même compagnie. C'est ça, 300 pièces de moins. Puis on est 6. 6 fois 300. On s'est mis à maudire. C'est toujours comme ça. Tout le temps. Organisez-vous. Le jeune psychologique que présentement l'homme doit se prendre, c'est que celui qui est sur le bien-être social, qui travaille jamais, ben, doit se payer un mois de travail. Ah, ben c'est ça le jeune psychologique. C'est important, maudit. Parce qu'il faut qu'il se sorte de son marasme ordinaire, de sa vie courante. Il en meurt. Il voudra pas. Et la majorité de ceux qui travaillent ne veulent pas prendre de vacances non plus. C'est le même problème. Le jeûne psychologique, c'est d'arriver à changer complètement sans perdre toute sa vie, là, c'est-à-dire que tu lâches pas tout, tu t'organises pour pouvoir le faire. Complètement. Se briser de ce que normalement nous vivons. Celui qui va en vacances tous les ans à la même place, il jeûne pas psychologiquement. 2-3 premières années, oui. 4e, peut-être, ça dépend du gars. Ça dépend de la femme. Faut qu'il change. Faut qu'il se permette au minimum 6 jours. Minimum. C'est mieux 14. Minimum 6 jours, ça coûte pas cher. On pense que ça coûte cher, puis on pense que c'est pour les riches. Ben, soyez riches, puis allez-y. C'est pas cher. Ça, c'est le jeûne psychologique qui va vous réénergiser, vous rééquilibrer, vous replacer. C'est incroyable. Toute l'année, vous mangez convenablement, vous respirez convenablement, sachant ce que vous faites. Puis une fois par année ou 2 fois par année, vous vous payez un jeûne psychologique. Quelque part où vous allez, vous n'avez rien organisé. Quand vous êtes des organisateurs. Quelque part où vous allez, vous avez tout organisé lorsque vous organisez jamais rien. Quelque part où vous allez, vous n'avez rien à faire comme travail. À vous amuser seulement. ou à travailler si vous passez toute votre année à vous amuser. C'est simple, je peux pas donner 56 détails. Observez ce que vous faites, puis à un moment donné, vous brisez tout ça, là, puis vous en allez ailleurs, puis vous êtes un autre homme, une autre femme. Vous êtes dans un autre monde, dans un autre univers qui va être aussi réel puis aussi illusoire que celui dans lequel vous vivez présentement. Ça paraît encore une fois banal. C'est extraordinairement salutaire et efficace, puis ça demande pas d'énergie, c'est même plaisant. Vous savez que l'évolution, là, c'est facile. Quand c'est pas facile, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon chemin, on passe à côté, on est dans le chemin de fer, puis on s'enferme avec notre Volkswagen là-dedans. T'sais, vous la poussez à bande de neige avec une Austin, là. Pas fort. On est mieux qu'un bulldozer. L'homme est toujours à côté un peu de son chemin parce que l'homme a un contexte psychologique d'évolution et il essaie d'évoluer psychologiquement puis il essaie de donner ses paramètres d'évolution-là à son évolution matérielle, à son évolution vitale, à son évolution mentale. Ce qui est une erreur catastrophique chez l'homme. Moi, j'évolue puis je m'amuse comme un fou. D'ailleurs, on dit aussi que je... Ça serait très mal vu, surtout par les patrons, quand ils verraient que les employés s'en vont tous. Mais les vacances, c'est plus facile. C'est le même phénomène, à la condition que dans son année sabbatique, la personne en profite pour se lancer dans de nouvelles découvertes, dans de nouvelles choses, tu sais, qu'elle puisse voyager ou qu'elle puisse changer complètement sa vie. C'est une année sabbatique, c'est ça que ça veut dire. C'est un jeûne psychologique. C'est le premier palier de jeûne psychologique, celui qui est le plus accessible à l'homme contemporain, mais souvent l'homme contemporain s'en sert même pas. Pour un paquet de critères qui va énumérer, des critères pécuniers, des critères psychologiques, mes enfants comprendront pas, ou je m'inquiète si je m'en vais en vacances, faut que j'appelle tous les jours, savoir si on va mort, qu'est-ce qui arrive avec le chien ou avec la perruche. On a un paquet de raisons. Mais le jeûne psychologique, c'est ce qui devrait être de plus en plus pratiqué par l'homme contemporain. Ça va éliminer son stress, ça va lui permettre de se redécouvrir, il va pouvoir goûter à la vie. Même chose que pour l'année sabbatique. Il y a bien des personnes aussi qui ont pris des années sabbatiques, ça a été des tournants majeurs dans leur vie parce qu'ils ont goûté à d'autres choses, ils se sont apprivoisés. Puis ils ont aimé leur tournant. Ils ont été mieux. Le seul problème, c'est que 15 ans après, il en prend-tu un autre? Non. Plus l'homme vieillit, moins l'homme tend à se risquer à ce genre de, entre guillemets, folie de jeunesse. Mais l'homme s'est formé grâce à ses folies de jeunesse, puis plus l'homme vieillit, moins l'homme a une tendance à vouloir se risquer. Et c'est normal parce que l'homme veut se risquer pour acquérir de la connaissance. La connaissance lui amène de la sécurité, et plus l'homme vieillit, plus l'homme a cette connaissance, donc plus l'homme a cette pseudo-sécurité, et moins l'homme veut se risquer, moins l'homme a l'énergie de se risquer parce qu'il croit qu'il a suffisamment de sécurité. Là, maintenant, là, il est devenu sage, il veut s'assagir. Ben, faut qu'ils apprennent à danser comme les jeunes. C'est pas ça que je veux dire, là. C'est autre chose. Mais faut qu'ils apprennent à vivre. Faut qu'ils apprennent à sortir. Faut comme quand ils étaient jeunes. Folie de jeunesse, là, ça n'existe pas. Ici, on demande, pourriez-vous me dire ce que vous pensez de la cuisine au micro-ondes? Cuire les légumes à ça. Moi, je remarque que les... Il y a un nouveau foyer qui est sorti. Il y a un foyer micro-ondes. Vous pouvez passer une petite veillée en 5 minutes au coin d'un feu. C'est plus rapide. Mais Daniel, les aliments qui sont à un moment donné là-dedans, tu les vois sortir, puis il y a encore une hausse de vibration, ils bougent encore. Je dis, ils bougent, c'est une façon de parler, là. Mais quand tu les manges, toi aussi, étant des cellules... Tu avant de faire cuire au micro-ondes. Non, qu'est-ce que je pense de la cuisine au micro-ondes? C'est une cuisine qui n'est pas néfaste pour certains aliments. Mais une chose qui est très importante, c'est de laisser reposer ce qu'on fait cuire simplement avant de commencer à l'engouffrer, à le manger. C'est surtout ça qui est important, parce que le micro-ondes comme tel, une fois qu'il a activé la molécule pour la réchauffer, parce qu'il active simplement le degré énergétique de la matière qui va chauffer, ce qui, par circulation, par friction, va augmenter la chaleur et ça va faire une cuisson par l'interne. Le micro-ondes ne persiste pas à l'intérieur de ce qui a été cuit, à la condition qu'on laisse ce qu'on a cuit se reposer parce que son taux vibratoire est encore presque du même ordre que le taux du micro-ondes pendant quelques secondes, mais disons que normalement, puis je crois que dans la majorité des livres de cuisine pour les faux micro-ondes, on suggère de laisser reposer après l'avoir sorti du micro-ondes. C'est juste ça qui est important. Autre chose avec, c'est de juste faire attention pour ne pas faire pénétrer sa main immédiatement dans le micro-ondes lorsqu'il vient de s'éteindre. Il y a des petites choses comme ça qui simplement... parce qu'on a eu des problèmes à un moment donné dans un faux micro-ondes qui avait une fissure. Et il y a une personne que j'ai déjà eu à transporter à l'hôpital qui maintenant n'a plus de reins parce que ses deux reins ont été brûlés plus un peu d'autres un peu de chair et tout ça. C'est sûr que ça cuit. Très bien. Alors, le seul danger qu'il y a, c'est que si on mange immédiatement ce qu'on sort de là, il faut juste le faire reposer. Mais en soi, la nourriture cuite au micro-ondes n'est pas plus dangereuse que le reste. Par contre, pour énergiser, la nourriture, tout ce qu'on cuit, de toute façon, nourrit le corps physique. Ou le corps psychologique, dépendant. Mais ça ne nourrit pas le corps vital. Micro-ondes ou non, là, c'est le même phénomène. Ça ne nourrit pas le corps vital. Dans quel corps se trouve la volonté? La volonté se trouve dans le corps psychologique, donc dans le corps astral. Il n'y a pas de volonté dans le plan mental. La volonté, c'est lorsqu'on a... La volonté, on dit que c'est bon. Si on prend la volonté du point de vue cosmique, donc non pas du point de vue humain, la volonté, c'est dans tous les corps. Tout le monde a de la volonté, on l'a déjà vu souvent au niveau des conférences. La volonté, comme on veut l'employer, par exemple, avoir un peu plus de volonté comme poursuivre son régime. Cette volonté-là, elle se trouve au niveau du plan psychologique, donc du plan astral, parce que pour avoir de la volonté, on se doit d'être positif. Le fait d'être positif va énergiser le concept de ce que nous devrions faire. Et lorsque ce concept est suffisamment pesant dans notre poids, dans notre plan psychologique, il peut tomber du bon côté nos actions. Et là, on dit « j'ai de la volonté ». Sachez bien qu'avoir de la volonté, lorsqu'on n'en a pas, c'est quelque chose qui n'est pas seulement difficile, mais c'est quelque chose qui est impossible. Lorsque vous avez de la volonté pour faire quelque chose, c'est pas dur d'avoir la volonté. Qu'est-ce qui peut nuire? C'est la lutte entre deux volontés qui vous habitent. Et c'est ça le problème. Parce que la volonté, c'est pas quelque chose qui vous amène à faire quelque chose de bien. C'est pas ça la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose. Alors, celui qui veut faire un vol de banque a de la volonté. Celui qui veut faire du vol à l'étalage, il a de la volonté. Il a la volonté de faire du vol à l'étalage. Lorsqu'il prend conscience que peut-être ce n'est pas tout à fait écologique, ou lorsqu'il découvre moralement que ce n'est pas bon, il va cristalliser ce concept qu'il ne devrait pas faire ça. Donc, il va essayer d'avoir la volonté de ne plus le faire. Mais vu qu'il a encore plus de volonté pour le faire, bien évidemment, il succombe. Il fait. Lorsqu'on l'aura suffisamment réprimandé, lorsqu'on l'aura puni parce qu'on l'aura pris sur le fait, ou lorsqu'il se sera lui-même suffisamment dynamisé du côté de ne pas faire ce vol à l'étalage, il aura ce concept de la mauvaise action ou ce concept de l'inintelligence de cette action suffisamment énergisé que dans sa psychologie, ça va changer de bord. Et là, à un moment donné... Bon, ben là, je le fais pas. Il y a suffisamment de poids psychologique pour ne plus le faire. Et là, apparemment, on va dire, tiens, il commence à avoir de la volonté. L'homme a toujours eu de la volonté. Celui qui mange comme un cochon a la volonté de manger comme un cochon. Celui qui jeûne comme un cochon, il a la volonté de jeûner comme un cochon. N'oubliez pas que tout ce que vous le faites normalement parce que c'est facile. Et les seules fois que c'est difficile, c'est parce que vous avez une contrainte. Et cette contrainte va être amenée parce que vous avez un manque de volonté, c'est-à-dire parce que vous êtes, par exemple, vous voulez brûler des feux rouges, mais vous le faites pas parce qu'il y a une contrainte légale. La police, c'est pas une contrainte légale, une contrainte humaine. Mais lorsque l'homme a la volonté de jeûner, c'est qu'il est capable de jeûner. Pour lui, ça devient facile de jeûner. C'est sûr que de temps en temps, entre ces deux volontés, lorsqu'il regarde un beau millefeuille là, sur une table, là, ben évidemment, il y a la volonté qui veut qu'il mange et la volonté qui veut qu'il ne mange pas. La volonté se trouve dans le plan psychologique parce qu'elle est reliée au monde de la dualité, au monde du bien et du mal, au monde du fait et ne fait pas. Et la volonté ne peut pas être reliée au niveau du plan mental. Lorsque le plan mental de l'homme comprend complètement quelque chose, il envoie l'intelligence d'une façon tellement claire qu'il n'est pas question de volonté. Il fait facilement que ce qui est intelligent. Donc, on ne peut pas dire qu'il a la volonté. Il n'a pas de volonté. Spirituellement, on va dire, il fait la volonté de son père. Mais il n'a pas de volonté propre. Il n'a pas besoin de lutter, il n'a pas besoin de s'énergiser. Tu regardes de l'eau, tu regardes de l'essence et tu as soif. Il ne faut pas beaucoup de volonté pour boire le verre d'eau. Il en faut maudit pour boire l'essence. C'est ça qu'il a à faire. Lorsqu'on devient mental, lorsqu'on voit clairement les conséquences de nos actes, lorsqu'en travers 25 chemins, il y en a un qui est très clair... On n'a pas besoin de volonté pour y aller. Mais dans le plan psychologique, l'homme ne peut pas voir clair. Donc, l'homme voit plusieurs chemins, puis l'homme doit lutter entre ces chemins. Parce que c'est extrêmement... Ce n'est pas un péché de manger comme un cochon. Ce n'est pas un péché que de voler. Par contre, c'est pas intelligent. Et entre le fait de ne pas le faire parce que c'est un péché, ou parce que c'est moralement pas correct, ou parce que c'est antisocial, bien là, il faut de la volonté. Parce qu'en même temps, ben, on aimerait ça pareil le faire. Tu sais, tu veux voler, c'est antisocial. Moralement, c'est pas correct. C'est un péché, c'est une faute, n'importe quoi. Mais maudit, ce serait le fun si je l'aurais à la maison. T'es toujours pris. Mais lorsque c'est intelligent, lorsque tu vois clairement, tu voles sans problème, lorsque c'est intelligent, et tu ne voles pas lorsque c'est intelligent. Par contre, l'intelligence va vous permettre de comprendre le mécanisme de la loi du karma, c'est-à-dire de la loi d'action et réaction, de la loi des causes et des effets. Alors, lorsque la personne va voler sous le couvert de l'intelligence, ben lorsque le policier l'arrête, ben intelligence ou pas, il s'en va en prison. Bon. Alors donc, être intelligent, c'est de connaître les conséquences de ce que nous faisons. De ce fait, l'homme ne souffre plus. Et de ce fait, l'homme n'a plus besoin de volonté parce que l'homme n'a pas besoin de lutter contre quelque chose d'autre. Pourquoi l'homme veut de la volonté? Parce qu'il n'en a pas. Pourquoi qu'il n'en a pas? Qu'est-ce qui lui fait dire qu'il n'en a pas? C'est qu'il fait ce qu'il veut pas faire. Donc, la volonté, c'est une lutte. Une lutte à l'intérieur. Vous devez lutter. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut comprendre l'intelligence. De quelle façon l'homme doit se libérer facilement? En parlant. La parole. Mais la parole ajustée. Pas la parole, la corde de linge, la voisine, mais à quoi se chante dessus, puis bon, c'est pas ça la parole. La parole, c'est que vous devez vous poser des questions, puis vous devez répondre à ces questions-là. On a un paquet de questions ici, c'est intelligent, parfait, à la condition que ceux à qui je réponds soient capables d'analyser ce que je dis et de rejeter ou d'accepter. Mais sois capable d'écouter avant de rejeter ou d'accepter. Mais ces questions-là, là, vous dites combien? Imaginez-vous le travail que vous feriez, avec quelle vitesse folle vous avanceriez si vous passeriez de temps en temps à en écrire des questions. Puis après ça, vous les mettez dans les tiroirs, puis le lendemain matin, vous les prenez, vous les lisez, puis vous commencez à y répondre. Vous allez vous dire, oui, non, je suis pas capable. C'est ça qui est le problème. Répondez-y. N'importe quoi, mais répondez-y. Ça va avoir l'air fou. Parfait. Croyez pas à ce que vous répondez. Pratiquez-vous à répondre à vos questions. Ça va vous développer. Regardez simplement le phénomène. Quand quelqu'un va vous voir pour vous demander conseil, vous êtes capable de répondre. Vous ne l'avez jamais expérimenté, vous ne le savez pas avant, mais il a fallu qu'on vous pose des questions pour vous stimuler à savoir. Parce que vous ne le saviez pas sans question. Mais si vous avez le même problème, vous n'êtes pas capable de le résoudre. Là, vous devez aller voir quelqu'un d'autre et poser des questions. Puis lui, il ne le sait pas, puis il va vous répondre. C'est ce qui se passe. Même le psychologue, même le médecin, il apprend régulièrement. Il ne le savait pas avant. Ça, il ne le dit pas, parce qu'il y aurait moins de problème social. Mais il apprend en même temps. Alors, vous devez aussi vous poser des questions et vous répondre à vos questions. La deuxième partie de la question, on revient à la nourriture. Est-il vrai qu'une nourriture préparée par une personne en colère est néfaste? Bon. Disons que si on regarde d'une façon extrêmement précise, moléculairement, d'une façon atomique, oui, c'est néfaste. Mais la nourriture que vous allez manger peut être beaucoup plus néfaste que l'énergie psychologique ou astrale mémorisée dedans la nourriture de celui qui l'a fait. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme pense, tout ce que l'homme dit, tout ce que l'homme réagit, tout ce que l'homme agit, est mémorisé. La matière mémorise. Je donne souvent l'exemple de la cassette audio qui est de la matière qui enregistre le son. La photographie, c'est de la matière qui enregistre l'image. Mais elle enregistre l'image parce seulement on peut savoir qu'elle enregistre parce qu'on a des appareils pour nous permettre de la révéler. Hein? Parce que si on prend une plaque photographique, qu'on la met devant vous autres, puis on vous dit « c'est tout mémorisé », tout le monde va rire. Parce que vous ne la voyez pas, mais elle est mémorisée quand même, parce qu'on peut la révéler avec des révélateurs chimiques. C'est la même chose pour une cassette audio. Mettez-la à côté de votre oreille, ça ne révèle pas grand-chose, il vous faut un appareil. un lecteur de cassette. La matière enregistre la même chose, sauf que l'homme n'a pas toujours le moyen. Et on a aux États-Unis, au niveau de la CIA, un appareil qui présentement existe qui permet à certaines, dans certaines pièces, de pouvoir entendre des conversations qui ont eu lieu là une semaine avant. Alors, ça fonctionne. Mais ça, évidemment, eux autres, ils le disent pas. Ils écoutent, ils le disent pas. Alors, au niveau de la nourriture, lorsqu'une personne est colérique, lorsqu'une personne crie, lorsqu'une personne fait quoi que ce soit, ça donne une ambiance dans la maison. Vous rentrez quelque part où on crie tout le temps, puis ça sent. Vous rentrez quelque part où c'est toujours paisible et on le sait. Mais c'est ça, la mémoire. C'est mémorisé, vous le percevez. Lorsque une personne est en colère, bien évidemment, elle dynamise sa nourriture. Est-ce que ça a une grosse importance? Non, tout le monde. Alors, si on veut savoir, la réponse, c'est oui, ça nuit à la nourriture. Mais la façon dont vous allez manger va nuire beaucoup plus. Ce qu'il y a dedans va nuire beaucoup plus. Votre conscience psychologique, sur le moment même où vous mangez, va nuire beaucoup plus que le peu de perturbation qu'il y a dans la nourriture. Alors ça, faut pas s'inquiéter avec ça. C'est comme de dire... Bon, à travers tout mon plat ou à travers la nourriture que je mange, ben, de temps en temps, ils ont mis un préservatif. C'est bien, bien dommageable pour la santé. Ben oui, c'est dommageable pour la santé. Mais tu respires tellement plus mal que ça peut être dommageable que si tu t'inquiètes de tout ça, il faudrait que tu t'inquiètes de bien d'autres choses avant. Alors, c'est ça que l'homme ne voit pas. L'homme essaie de se spécialiser dans une chose, mais c'est tout l'être global qui est en évolution. Alors ça, inquiétez-vous pas pour ça. Vous allez dans un restaurant pareil, vous mangez quand même, vous mangez n'importe quoi. Puis vous, ça vous fait vivre. Vous sortez du restaurant, puis vous avez eu du plaisir, vous avez jasé, vous avez appris des choses. Mais la nourriture, là, c'est pas ça qui va vous empêcher d'évoluer. Mais elle peut améliorer la santé de votre corps si on fait attention, si on prend un régime équilibré, si on le mange convenablement. C'est bien suffisant, ça bat tout ce genre d'attention-là. Alors, c'est comme si je vous dis, ça ici, ça perturbe, est-ce que ça perturbe l'eau? Ben oui, ça y crée un onde dedans, mais ça va-tu m'empêcher de la boire? Non. S'il y a un ouragan dedans, là, je vous dis pas, mais comme ça, non. Alors, on fait toujours attention à des petites choses au lieu de voir la globalité. Souvent, là, ceux qui font attention à ces petites choses-là, c'est qu'ils veulent, ils veulent avoir une conscience tranquille. Souvent, l'homme va dire, oui, mais celui qui vient me fumer d'en face, là, il nuit à ma santé. Ouais, ça peut être en colère, ça, oui. Bon, ben commence par régler ce maudit problème-là. Il est bien plus destructeur chez toi que la fumée de cigarette de l'autre. Puis quand tu seras un homme serein et paisible, tu pourras peut-être commencer à envisager à fumer une cigarette des autres. Mais en attendant, ton stress et ta colère, que puis pas rien contre ta cigarette, si t'es de même, tu réagis contre beaucoup de choses. Ça, c'est beaucoup plus négatif chez l'homme que la fumée de cigarette de l'autre. Ceux qui fument, là, continuent à fumer. Puis un jour, vous allez cesser de fumer. Mais cassez-vous pas la tête pour l'instant, puis venez pas fou avec ça. C'est la même chose de la nourriture. Je vous ai donné quelques petites techniques tout à l'heure, mais c'est des choses qu'on peut facilement faire. Vous rentrez dans un restaurant, vous regardez les menus, choisissez donc celui qui vous semble le plus équilibré, puis faites donc un petit peu plus attention. C'est pas plus compliqué que ça, puis moi, t'as dit que ça va bien. Puis si on peut se permettre un jeûne par semaine d'une journée, si on peut, et surtout le jeûne psychologique, il y a bien des choses que l'homme doit cumuler, qui c'est des choses qui se cumulent facilement. C'est pas compliqué. Y a-t-il des légumes comme des haricots, betteraves, navets, patates qu'on peut faire cuire sans dommage ou doit-on tout manger cru? On doit faire cuire énormément de choses parce que c'est la seule façon que biologiquement, chimiquement, que le corps a pour assimiler ce qu'il y a dedans. Et on doit aussi compenser par énormément d'aliments vivants pour pouvoir justement compenser cette perte de vie que nous ne pouvons pas accumuler dans les aliments qui sont cuits. Si vous mangez de la pomme de terre sans la faire cuire, ben, vous allez vous écœurer vite, puis à un moment donné, physiquement, il va se passer des choses. Manger, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on doit faire cuire, parce que les bines, t'as sérieux de manger les bines pas cuites? T'as voir que les enfants vont vous les tirer dans la face avec une paille, hein? Non, mais c'est ça. Pourtant, c'est extrêmement nourrissant chimiquement. Faut la faire cuire. Le riz, même chose. Tu sais, brouter de l'herbe... Du blé, du foin, Alors, il y a des choses qu'il faut faire cuire. Ça fonctionne. Sauf qu'on doit juste faire attention. Il faut nourrir notre corps physique. Nourrissons-le avec ce qu'on a. On est bien équipé pour ça. Il faut nourrir notre corps vital. Alors, compensons par d'autres choses. Déshabillez-vous de temps en temps, prenez du soleil. Baignez-vous dans de l'eau de lac ou de l'eau de source. pas même pollué. Je sais bien, mais telluriquement, elle n'est pas polluée. Marcher nu-pied de temps en temps, pas dans la maison, dehors. Pas sur le ciment, sans terre. Il y a bien des moyens de se réénergiser au niveau vital. Alors que c'est facile. Faut pas se casser la tête dans tout. Faut juste faire attention dans tout, mais pas d'une façon exagérée. Ça va être facile, puis ça va avoir des résultats qui vont être effarants. Mais l'homme préfère justement avoir une cuisine où ce qu'il boit juste de l'eau à température de la pièce, juste de l'eau distillée, par exemple, à température de la pièce. Tous ses aliments, même s'il les fait cuire, il attend que les aliments arrivent, soient à la température de la pièce. Ça, c'est un régime, c'est une philosophie de nutrition, ça. La température de la pièce. Parce que naturellement, l'homme mange des choses, l'homme des cavernes bouffait des choses qui sont à la température de la pièce. L'animal mange à la température de la pièce. Mais ton corps physique est à quel degré à l'intérieur? Alors, tu peux pas dire que c'est mieux. Si on veut être réellement exemplaire, faudrait faire chauffer puis l'amener à la température interne du corps. Là, il n'y aurait aucune violence. Mais le corps est adapté à ça. Bouffe-la pas trop froide, bouffe-la pas trop chaude, gèle-toi pas, puis brûle-toi pas, puis mange. Faut pas exagérer parce qu'on perd encore, on passe encore une fois carrément à côté de la traque. C'est pas ça qu'il faut faire. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous écœurer de toujours exagérer, de toujours tout vérifier. Il faut faire attention à des choses, mais vous savez, il faut faire attention à faire attention. Que pensez-vous de la plus grande dépense d'énergie pour briser la conscience individuelle de la cellule animale lors de la digestion par rapport à la cellule végétale en vue de l'assimilation de l'aliment? Conséquence, exemple, là c'est l'autre question, conséquence de manger de la gomme aussi. Bon. C'est évident qu'il y a une plus grosse dépense d'énergie pour pouvoir dissocier des molécules animales de la majorité des molécules végétales. Il y a des molécules végétales qui sont beaucoup plus difficiles à dissocier aussi que les molécules animales. Mais disons qu'habituellement, oui. Maintenant, il faut bien comprendre que dans un régime équilibré, aujourd'hui, l'homme du Québec peut se permettre de manger des aliments qui vont aider à la digestion des choses difficilement assimilables et digestibles. Donc, il n'y aura pas trop d'efforts. Normalement, l'homme tout seul va lentement se diriger vers une nourriture qui ne sera plus carnée, où il n'y aura plus de viande. Lentement, l'homme va se diriger vers ça. Mais ce n'est pas parce que dans des pays particuliers, on a eu ce genre de cuisine que nous devons automatiquement la mettre ici. Je vous répète que ce qui vous nuit le plus, c'est au niveau du plan psychologique, parce que c'est la foutue psychologie qui va évoluer, ce n'est pas au niveau de la nourriture. Ce n'est pas au niveau du plan matériel. Et celui qui se sent frustré, si je dis ça, je ne sais pas si la personne ici se sent frustrée, mais c'est simplement parce qu'elle prouve que j'ai raison. Psychologiquement, elle veut tellement pas débarquer de se faire attention à ce qu'on mange, elle peut même en être choquée. Ben c'est ça qui vous détruit. Qu'est-ce qui crée toutes les maladies chez l'homme? C'est pas ce qu'il mange. De temps en temps, oui. Ce qu'il mange accélère l'apparition de la maladie. Ce qu'il mange retarde la curation de la maladie. Mais c'est lui, dans sa psychologie, dans son plan émotif, qui crée ces maladies-là. Puis l'homme qui fait trop attention, c'est un homme qui en a presque une psychose. Qui check tout. Tout, tout, tout. Puis à un moment donné, il en est stressé. Il fait plus confiance à personne. Faut qu'il vérifie, faut quasiment qu'il dissèque sa nourriture avant de la manger. Faut qu'il fasse attention à son eau, attention à son jus, attention à ci, attention à ça. Bien, à un moment donné, il va mourir. C'est sûr que manger de la viande, c'est plus difficilement digestible pour l'homme. Pour l'instant, cassez-vous pas la tête avec ça. Faites le plus possible attention. Prenez le plus possible d'aliments vivants. Ça va être déjà, ça va vous transformer d'une façon incroyable. Mais faites un jeûne psychologique de temps en temps, puis dormez suffisamment, puis énergisez-vous au niveau vital surtout. Puis jasez. Posez-vous des questions, puis amusez-vous à répondre à vos questions. Ça, c'est le travail au niveau du plan mental. Ça va harmoniser votre plan mental. Vous allez finir par découvrir que vous avez quelque chose qui fait en vous. Puis vous allez devoir éduquer votre plan psychologique. Vous allez devoir éduquer votre ego. Que vous n'êtes pas médiocre, mais que vous savez des choses. Dans le début, ils vont sortir tout croche, coloré par votre ego, pour que celui-ci essaye de vous convaincre que vous êtes des cloches. C'est pour ça que ça sort tout croche. Puis le moins vraiment que ça sort un peu croche, bien là, on débarque tout de suite. Non, continuez. Posez-vous-en des questions, puis répondez-vous. Puis là, vous allez vous transformer mot-à-ditement plus que d'exagérer au niveau de la nutrition, au niveau de prendre 3 douches par jour, au niveau... Il y a plusieurs formes de traditions qui disent des choses. Il faut se laver minimum 1 fois par jour. Pas avec du savon. On ôte toutes les graisses normales du corps quand on se lave trop souvent. Par contre, tout à l'heure, on se demandait, quelqu'un qui est en colère, là, ce qui va mettre ça au niveau de ce qui va énergiser la nourriture. Ça va-tu nuire? Ben, c'est ça. Salut! Prenez une douche tous les soirs. Puis toute l'énergie que vous avez accumulée dans la journée, dans le métro, dans l'auto, partout, elle s'en va. Vous allez dormir mauditement mieux. Pas le matin, le soir. Ben, c'est un moyen facile d'éliminer, avant que ça pénètre au niveau de notre corps, un paquet de contacts vitaux, de contacts astrales, de contacts psychologiques, parce qu'on se mélange, nos auras se mélangent régulièrement. On prend une douche, puis c'est réglé. Vous êtes en colère, vous êtes en chicane, allez prendre une douche, quand vous sortez, ça va mieux. Sauf si votre orgueil décide de poursuivre. De faire comme cela, je parle plus. Ça se rend dans la chambre, bang. Mais le temps qu'on est dans la douche, on est plus en colère. Tant que l'eau nous coule sur la tête, ça va bien. Parce qu'on élimine ça. Alors on va dire le baptême. Mais le baptême, c'est bon. Mais tous les jours. Mais pas 3 fois par jour. On peut, mais je veux dire, c'est ça qu'il y a. C'est qu'il faut juste arriver à un chemin un peu plus équilibré que ce qu'on a là. Puis quand il sera plus équilibré, là, on pourra parler de l'améliorer. Pas tout de suite. Crime, t'arrives pas en haut de l'échelle quand t'as même pas encore réussi à trouver l'échelle. Comment appliquer ici le savoir, vouloir, pouvoir, oser et se taire dans l'harmonisation des corps? Bon. Le savoir, ça c'est un terme, c'est tout à fait ésotérique et ça vient d'une race aryenne qui s'est étendue à un moment donné sur le continent égyptien. Savoir, vouloir, oser, se taire. Le savoir est une connaissance instantanée qui vient chez l'homme. Ce n'est pas une connaissance mémorielle. Le savoir, c'est au niveau supramental, c'est-à-dire que ce n'est pas par l'expérimentation que vous allez atteindre le savoir de l'ésotérisme. Le savoir ésotérique qui est annoncé sur cette phraséologie. Savoir veut dire posséder instantanément ce qu'on a besoin immédiatement. Pas tout le reste. Vouloir veut dire appliquer. Cela veut dire qu'on est dans notre énergie. Ce n'est pas de la volonté. Et ce n'est pas un désir. Apparemment, cela ressemble à un vouloir, mais ce n'en est pas un. C'est créer, exprimer l'énergie intentionnelle, donc exprimer le savoir. Pouvoir, c'est d'avoir un résultat dans ce que l'on crée. Tout ça, c'est une définition archaïque de l'homme nouveau. C'est très présent. Oser veut dire être capable de se désassujettir de l'atmosphère collective, de l'atmosphère psychologique collective. J'ose. Qu'est-ce que les autres vont dire? N'importe quoi. J'ose. Mais oser après savoir, vouloir, pouvoir. Puis celui qui ose, qui peut pas encore, parce que c'est pas le temps, ben, il mange une claque. Se taire veut pas dire fermer sa boîte. C'est pas ça, se taire. On a souvent pensé que celui qui savait ne disait rien, celui qui parlait ne savait pas. Très bonne parole. Mais sachez que ça a été dit par quelqu'un. Puis si on se fie à ça, celui qui parle ne sait pas. Alors, voyez-vous, c'est ça l'ésotérisme. Faire bien attention. Se taire ne veut pas dire de se taire. Se taire veut dire de cesser de gaspiller des énergies. Et ça, on voit ça surtout la semaine prochaine au niveau de l'énergisation des corps. Qu'est-ce que c'est que... Comment pouvons-nous arriver, parce qu'on voit un peu comment en ramasser. Mais comment cesser d'en gaspiller maintenant? Puis après ça, on va voir comment faire fusionner ces corps-là pour qu'ils travaillent réellement en équilibre. Mais se taire, c'est cesser de gaspiller nos énergies. Si tu as à communiquer une énergie parce que cela est intelligent, parle. Mais si tu parles pour parler et que ça sert à rien, tais-toi. Si tu agis quand ça sert à rien, tais-toi. Savoir se taire, c'est pas ne pas parler. C'est pas faire le vœu de silence. Bien différent. À part la respiration et l'alimentation, y a-t-il d'autres moyens de s'énergiser? Je pense que tu en as nommé d'autres, là, mais est-ce qu'on s'étend encore un petit peu? Le plus gros moyen de s'énergiser, sachez bien partant que votre corps régulièrement, tous les jours, ramasse à peu près 80 fois l'énergie que vous avez besoin pour vivre. Normalement, l'homme en dilapide 82% de cette énergie-là, et même souvent plus, dans l'expression de son ego. dans ce que lui appelle la relation entre lui et l'extérieur. Donc, évidemment, on a, à part la... Au niveau de synergiser, il y a quelques autres techniques, mais elles ont toutes attrait à la respiration et à l'alimentation. Par contre, il faut cesser de gaspiller notre énergie, de dilapider cette énergie-là. Et c'est surtout là que l'homme va découvrir qu'il en accumule de l'énergie, que c'est incroyable ce qu'il accumule. Et lorsqu'on parle d'évoluer, on parle de quelqu'un qui est plus haut, qui a un taux vibratoire plus haut, qui a plus d'énergie. Celui-là qui est plus évolué. Ayant plus d'énergie, il est automatiquement sur un autre point de vue. Il voit différemment ce que l'humanité ne voit pas, ce que l'homme normal ne voit pas. Ayant plus d'énergie, il est plus énergisé, plus en santé, symptôme tout à fait banal de l'évolution. Il n'a presque plus besoin de nourriture ni de sommeil, symptôme tout à fait futile encore une fois d'évolution. Il est capable de maîtriser un peu plus la matière, toujours le symptôme banal de l'évolution. L'homme arrive à être libre et à être son seul maître. Et ça, c'est un degré énergétique. Comment, en vivant, en dégustant la vie, en faisant des choses. Alors ça, c'est des choses qu'on va, on va surtout revenir dessus la semaine prochaine parce que ça regarde surtout l'énergisation des corps. Et ce qui est absolument fantastique, c'est qu'on n'a presque pas besoin de l'énergiser, on n'a rien qu'à arrêter d'en gaspiller. C'est encore bien plus facile puis plus dur parce qu'il faut changer nos habitudes. Mais c'est pas de le changer radicalement. Vous venez d'une conférence, vous en allez chez vous, puis là, vous changez tout, c'est pas ça. C'est de comprendre l'intelligence de ce changement. Et les habitudes se défont tout seul. On a, par exemple, au niveau du travail, on a... Mais voyez-vous, juste comme exemple, au niveau du programme être contrôleur que je donne ici, avec d'autres personnes, on a des personnes qui commencent le cours, qui sont fatiguées, qui sont nerveuses, qui sont faibles, qui sont malades. Et présentement, vers la fin PMC5, on a à peu près juste des athlètes. Puis on n'a pas perdu de joueurs. Alors, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pas en deux jours. C'est en presque un an. Puis l'homme est impatient. Mais l'homme qui prenne à un moment donné son mal en patience, parce que ça prend un certain temps avant de refaire des choses, mais pour ça, il faut vivre. Et quand je parle de vie, je veux dire mettre en pratique. Moi, je suis pas de la théorie, je suis de la pratique. Et l'homme qui discute dans un salon, l'homme qui se complaît, c'est un intellectuel. Il a une intelligence peut-être extrêmement développée. J'appelle pas ça d'intelligence. C'est là, c'est de l'intelligence. Et il est capable d'être un petit peu efficace dans les choses qu'il connaît, mais il ne pourra pas avoir accès à ce savoir instantané. Il pourra y en avoir accès, mais d'une façon extrêmement compliquée. Quand on parle que les riches n'iront pas au ciel, ben, il y a aussi les érudits qui ont de la misère à... Parce que ce savoir, c'est fi de la connaissance mémorielle. Lorsque l'homme ignore complètement tout, lorsque l'homme n'a plus rien, lorsque l'homme est tout seul, perdu dans le fin fond d'un trou psychologique, lorsque tout ce qui le tenait est disparu, lorsque les religions ne répondent plus à ce qu'il veut, lorsque la médecine ne répond plus, lorsque la société ne répond plus, lorsque ses amis, lorsque tout dégringole autour de lui, et que cet homme a suffisamment d'énergie pour ne pas se suicider, il comprend. Il souffre en vache, mais à un moment donné, il comprend. Parce qu'il faut que l'homme soit écœuré d'être écœuré d'être écœuré. Ça, c'est un cheminement qui est vécu par la masse. Mais à un moment donné, il faut que l'homme change ce genre de cheminement. Il va falloir que l'homme cesse de souffrir. L'alimentation, la respiration, ce sont les moyens les plus parfaits pour s'énergiser. Deuxièmement, il va y avoir le contact. Donc, prendre du soleil, se baigner dans l'eau, toucher la terre. Vous savez que la glaise, là, quand on... Ce barbouille de glaise, quand on s'empile sur de glaise, on se couche, on met des épaisseurs de glaise, on se réénergie. C'est radioactif, la glaise. Mais c'est surtout radioactif d'une façon tellurique. Ça guérit des maladies, c'est sûr. C'est un moyen, c'est le contact. Contact avec le soleil, avec la terre, avec l'eau. Mais c'est surtout dans la diminution de la perte d'énergie. Et pour que l'homme cesse de perdre de l'énergie, il va falloir que l'homme assujettisse son ego. Va falloir pas que l'ego contrôle l'ego. Ça, c'est le contrôle que l'on vend à pleine salade depuis que l'homme est homme. Même un petit peu avant. L'homme ne doit pas se contrôler de cette façon. Va falloir qu'une partie de l'homme devienne le maître contrôleur chez l'homme. Et ça, c'est le plan mental. Il n'aura pas besoin de se battre. Lorsque vous avez un concept qui veut dominer, il se bat contre un concept qui ne veut pas être dominé. Vous avez toute une mémoire qui vous dit que vous fumez, puis vous voulez arrêter de fumer. Il y a une lutte en vous. C'est mal. Vous avez une mémoire qui vous dit de prier, puis vous avez une autre mémoire qui vous fait rendre compte que plus vous priez, moins ça marche. Il y a une lutte, une friction. Vous avez une mémoire qui vous dit des choses, et une autre mémoire qui vous dit d'autres choses. Lorsque le mental est suffisamment énergique, lorsque le mental prend le dessus, et c'est ce que l'homme nouveau va faire, puis c'est ce que lentement la majorité d'entre vous, vous êtes en train de faire. La majorité, vous ne le savez pas parce que vous refusez de le savoir. Mais non, je ne suis pas pour être un homme nouveau, Christy. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? C'est presque ça qui se passe. Le premier qui va chialer si vous êtes un homme nouveau, ça va être vous. Vos mémoires, tout ce qui est en vous. Votre peau qui commence à s'arracher, que vous ne voulez pas arracher. C'est ça qui va se passer. Voyons, ce qui me prend à crime, je suis rendu que je suis fonceur. Que je suis rendu que je suis fonceuse. Voyons donc, qu'est-ce qui me prend? Ben oui, c'est ça. On ne peut pas accepter ça comme étant un phénomène naturel. Crime, j'ai jamais été de même. Arrête de broyer, tu t'améliores. Continue. C'est drôle, j'ai pas eu peur. Parle-en pas, reviens pas là-dessus, t'as pas eu peur, pis c'est tout, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'à un moment donné, l'homme ait pas peur. L'homme prend pas conscience quand il a peur, mais il prend conscience quand il a pas peur, puis il en fait un phénomène tout à fait anormal. Ça peut pas se poursuivre chez lui. Il le refuse. L'alimentation, la respiration, le contact. Mais surtout, cesser de perdre. Ça va l'énergiser. Puis on va passer 2 heures à en parler. Alors, ce qui fait que je préfère attendre la semaine prochaine. Une personne ici qui t'a entendu hier soir à la radio et qui demande, peux-tu m'expliquer quand tu dis il n'y a pas de vérité et il n'y a pas de mensonge? Bon. Bonsoir. Je t'écris bonsoir, Daniel. La vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, tout le monde a sa vérité. Ça, c'est une vérité. La vérité, c'est que celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. C'est une vérité. Qui se contredit d'elle-même. La vérité, c'est que tout est relatif. Même la relativité. Tout est relatif. Donc, ça se contredit encore. La vérité, c'est l'interprétation psychologique qu'un homme ou qu'une femme fait d'une réalité. Et le mensonge, c'est la vérité de l'autre. C'est ça, le mensonge. Et lorsque nous pouvons percevoir globalement quelque chose, collectivement, ensemble, de la même façon, on a tous la même vérité, on pense. Et l'autre nation qui voit la même chose, c'est un autre point de vue, a le mensonge. Et il se trouve que chez eux, ils ont la vérité et que chez nous, on a le mensonge. La vérité, c'est un point de vue qui est une interprétation de la réalité. Il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est que Dieu existe. Ben, vous ne le savez pas. Vous espérez pour la majorité, c'est de la foi, mais ce n'est pas une vérité réelle. Disons que c'est une vérité, mais ce n'est pas une réalité. Pas pour vous. Vous ne l'avez pas expérimenté. La vérité, c'est que la réincarnation existe. Non. C'est une vérité peut-être, mais ce n'est pas une réalité. La vérité, c'est l'interprétation d'une réalité. La vérité, tout le monde a sa propre vérité parce que tout le monde a son propre schéma colorant psychologique qui sert de baie vitrée entre un événement, la réalité et eux autres. Alors, ce qui fait que si un crapaud traverse la salle ici, certains vont rire, certains vont avoir du dégoût, d'autres vont peut-être sauter sur les chaises. S'ils sautent sur les chaises, le patron va aussi sauter. Il se passe un événement qui est une réalité et chaque personne va la voir selon sa propre facette. Et tout ce qui est perçu par l'homme, c'est la vérité. Et au nom de cette vérité, l'homme s'entretue, l'homme se bat, parce que la vérité est une illusion conceptualisée par l'ego de l'homme. La vérité, c'est de l'interprétation. La vérité, c'est une photo. Alors, regarde la photo du chalet. Est-ce que c'est exactement ça qu'est le chalet aujourd'hui? C'est pas. À date de combien de temps, la photo? Est-ce qu'il a brûlé, le chalet, depuis ce temps-là? Puis le chalet, on voit pas tout les paramètres. On voit il y a un paramètre très limité, on ne voit pas. La vérité, c'est une photo. Certains ont des photos noir et blanc. D'autres ont des photos couleur. D'autres ont des films. Parce que chacun a des points de vue différents et d'autres ont des points de vue qui sont plus vastes, une conscience plus étendue, mais c'est ça les vérités. Donc, la vérité et le mensonge, c'est la même chose, parce que le mensonge, c'est la vérité de l'autre. Puis la vérité, c'est la nôtre. C'est ce que nous pensons. Si vous êtes capable de bien visualiser, d'observer simplement, vous en avez des vérités, Placez-les consciemment, puis observez vos vérités. Pourquoi elles sont des vérités? Je l'ai dit parce que c'est évident. Bonne réponse. Cela peut être authentique, ce que vous savez. Mais pourquoi vous appelez ça une vérité? Si vous appelez ça une vérité, c'est qu'automatiquement, quelque part, il y a un mensonge qui va à l'inverse. Et pourquoi il y a un mensonge de bord? Dites pas parce que c'est évident. Parce que pour les êtres qui vivent dans le mensonge, pour eux autres, ils vivent dans la vérité. Alors, la vérité, c'est un concept. C'est quelque chose qui peut être bon pour l'homme, pour diriger l'homme, à la condition que l'homme ne pense pas que la vérité, c'est la réalité. Parce que là, il peut se battre au nom d'une vérité qu'il croit réelle, mais on se bat pas pour une réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Qu'on se batte pour, qu'on se batte pas pour, elle va rester ce qu'elle est. Mais la vérité peut être perdue, pas la réalité. La vérité peut être changée, pas la réalité. Toutes ces choses-là fluctuent selon la psychologie de l'homme. Si je dis le poteau n'est pas là, la réalité ne me saute pas dessus. Mais adressez-vous à des vérités religieuses, à des vérités spirituelles. On peut vous sauter dessus. Alors la vérité, c'est un mensonge. Le mensonge, c'est la vérité. Ça n'existe pas. L'homme a passé sa vie à rechercher la vérité. À rechercher un point de vue qui pourrait le flatter. À rechercher un point de vue qui pourrait être en harmonie avec sa recherche. Parce que l'homme qui cherche détermine déjà au départ ce qu'il veut trouver. Après ça, il cherche. Mais comment il peut faire pour le déterminer s'il ne l'a pas? Parce qu'il cherche, il ne l'a pas. Comment il peut faire pour savoir que c'est ça qu'il cherche et que ça va ressembler à ça s'il ne le connaît même pas? Mais l'homme, il définit déjà que c'est ce qu'il va chercher, c'est la vérité. Après ça, il cherche la vérité. Quand je vous dis qu'à un moment donné, une personne recherchait du feu, la nuit, avec une chandelle, mais ça aurait su c'était quoi le feu, ça aurait été pas mal plus vite. Mais la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que Dieu est noir. Faites ce que vous voulez. Ça plairait à bien du monde. Surtout en Afrique du Sud. C'est une interprétation de la réalité, la vérité. Ça n'existe pas. Tu peux dire qu'il est noir parce qu'il est dur à trouver? Non? Une autre vérité. Je voudrais savoir, Daniel, quand j'appelle une certaine personne au téléphone, la ligne, tout à coup, se met à grincer tellement fort que je n'entends plus ce qu'elle me dit. Faut le bel. La sorte à venir, celle-là. Ouais, c'est pas fini. Est-ce moi qui provoque cela ou c'est la personne qui n'est pas en harmonie face à moi, car cela arrive presque toujours avec elle? Lorsque l'homme passe son temps à essayer de retrouver des points... Vous savez, je prends mon verre d'eau ici, je lance un peu d'eau dans les airs, je la rattrape à peine, bon, voilà, c'est passé des choses. Je recommence encore une autre fois, je recommence ici, mon boss n'est pas là, parfait, je recommence encore. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe simplement que selon vous autres, il va se passer des choses ici. Chaque fois qu'une personne voit une relation entre elle et un événement, et qu'elle essaie de comprendre. C'est la faute de qui? C'est la faute de quoi? C'est une démarche frauduleuse du plan de l'astral. C'est une démarche tellement frauduleuse que l'homme, au lieu de vivre pendant ce temps-là, il passe son temps à vouloir chercher pourquoi il est là. Pourquoi il vit. Je prends mon téléphone, puis l'autre me dit « Allô? » « Allô? C'est qui? » »« Ah, ben c'est toi que je voulais appeler. Ben j'ai pas signalé. Ben moi non plus. Ben c'est ça. » Ça arrive de temps en temps. À peu près tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie. Si t'as pas vécu ça, patience, ça va venir. C'est amusant. C'est très amusant. Mais maintenant, c'est à cause de quoi? Je prends mon téléphone, puis toujours avec la même, la ligne marche pas. Mais c'est peut-être son téléphone. Puis c'est peut-être simplement parce que vous appelez à des heures où il y a beaucoup de choses qui se passent ces lignes. Puis même si ce serait l'autre personne qui n'est pas en harmonie avec vous, ben maudit, c'est pas votre téléphone qui va vous le dire. Demandez-vous pas si c'est pour ça, sachez-le vous-même si c'est ça, mais c'est pas le téléphone qui va vous le dire. Si je vous dis, ben oui, c'est la personne qui réellement vous déteste, votre téléphone vous le dit, puis c'est pas ça. Qu'est-ce que ça va faire si je réponds ça pour la personne? Rien. C'est pas ça. Faut pas qu'on recherche l'évolution là-dedans. sachez-le vous-même, pas par votre téléphone. Puis si à un moment, toutes les fois que vous sortez, il y a une roche qui vous tombe sur la tête, bien sortez par la porte d'en arrière. Puis si en sortant par la porte d'en arrière, il y a encore des roches qui vous tombent sur la tête, achetez-vous un parapluie. Faites quelque chose, mais réglez le problème. Mais pensez pas que c'est Dieu qui veut vous parler, que c'est le diable qui vous court après, que c'est le constructeur qui est enterré en dessous de la maison, que je sais pas quoi. On rit parce que je prends des exemples assez vastes. Mais souvent, puis juste aussi dans le plan humain. Je sais que tu m'aimes pas. Pourquoi? Mais parce que tu fais telle affaire, puis... Mais il m'a style d'affaire. On décide pour l'autre ce qu'il pense, parce que l'autre agit comme ça y tente, puis selon ce que nous autres, on perçoit de ça, on l'interprète de notre façon, puis on s'en va l'éduquer. T'es pas un vrai homme, t'es pas une vraie femme, t'es pas normal, t'es pas ci, t'es pas ça. C'est la même chose. Plus proche de l'homme. Alors, la ligne, elle a une défectuosité. Est-ce que c'est quoi? Regardez bien, M. Bijan. Là, je ne veux pas rire de la personne, je veux qu'elle s'observe pour voir, parce que c'est réellement amusant quand on se découvre. Est-ce que c'est moi qui provoque cela ou c'est la personne qui n'est pas en harmonie face à moi? Cela arrive presque toujours avec elle. Si c'est moi qui provoque ça, est-ce que cela veut dire que moi, je ne suis pas en harmonie avec? Si c'est l'autre qui n'est pas en harmonie avec moi, et à cause de perturbations qui sont électromagnétiques ou électriques sur une ligne téléphonique, ça peut être causé par vous, ça se peut, parce que l'homme peut travailler la matière. Mais on ne doit pas se fier à quelque chose dans le genre pour savoir si on s'entend bien avec quelqu'un ou non, pour savoir si c'est Dieu qui est au bout de la ligne ou non. Il y a des personnes qui, toutes les fois qu'ils viennent pour prendre le métro, les portes se ferment en avant des autres. Paf, manque toujours le coup. Tout le temps. Quand tu viens prendre l'autobus, tu arrives sur le coin de la rue, il vient juste de passer. Tu attends 20 minutes. Il y en a qui prennent l'autobus toujours quand il pleut, puis il y a toujours un livre quand il fait beau. C'est du monde de même. Il y en a plein. Puis là, ils vont essayer de voir s'il n'y a pas une connotation avec un plan parallèle. Avec quelque chose. Il n'y en a pas. La seule chose qu'il y a, c'est que l'homme s'organise mal. C'est tout. Si l'homme se prend en main, il élimine tout ça. J'ai un téléphone, moi aussi, qui marche mal. Il est dedans ma chambre. Moi, je l'adore. J'adore parce que tout le monde passe son temps à me dire « Ouais, t'es où? T'es bien loin ce téléphone? » Le téléphone dans ma chambre. Mais maintenant, tout le monde le sait. Elle sait que ma femme a le téléphone dans l'autre chambre. Mais c'est une chose facile qui est banale, mais toujours vouloir retrouver... À un moment donné, on en a parlé d'une personne qui a eu un accident. Et puis, c'est la première fois qu'elle mettait des bas rouges. Puis, elle m'a demandé si c'était pas parce qu'elle avait mis des bas rouges. Non, vous riez parce que ça vous regarde peut-être pas, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai dit, ben, crème, tu t'as vu que t'es bon rouge, chenu pied, c'est sûr. Puis, honte-les. Moi, j'ai fait de l'ambulance pendant 5 ans, j'ai ramassé plein de monde, puis j'ai pas vérifié tout le temps, mais il n'y a pas tout des bons rouges. Alors, on recherche toujours quelque chose qui n'est pas en harmonie. On a du fun à soir, mais sachez que l'évolution, c'est amusant comme ça. La personne qui aurait ses bons rouges, puis qui m'entendrait, puis qui partirait à rire, elle évoluerait. Elle se sentirait mieux, elle serait soulagée, elle vient de passer par des 5 étapes. Elle n'aura pas besoin de se morfondre tout le temps, des choses de même. Crème, j'ai-tu mis la bonne paire de culottes? Mon boss m'a mis à la porte. C'est sûr que si tes culottes t'as plein d'huile, tu travailles dans un bureau de médecin, peut-être. Mais c'est pas un dieu, c'est pas un monde parallèle, c'est pas un plan divin, c'est pas ça. Vérifie que le bel. Petite question courte ici. Que signifie la troisième énergie? La troisième énergie, ça signifie approximativement ce que cela veut signifier. Parce que la troisième énergie, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Il faudrait que la personne aurait dû préciser un peu. Parce que si la première énergie, c'est le plan matériel, la deuxième, c'est le plan vital, la troisième, c'est le plan de l'astral. Si la première énergie, c'est l'homme, la deuxième énergie, c'est Dieu, la troisième énergie, c'est ce qui est supérieur à Dieu. C'est amusé. Religieusement, au niveau du catholique, la première énergie, ce serait le plan physique et le plan vital. La deuxième énergie, ce serait le plan astral et le plan mental. La troisième énergie, ce serait le plan supramental, bouddhique et divin. Autrement dit, première énergie, le corps, deuxième énergie, l'âme, troisième énergie, l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on entend par troisième énergie, disons, au niveau de cette question? Ben là, évidemment, c'est assez compliqué de pouvoir y répondre parce que on pourrait élaborer longtemps sur différentes troisième énergies. Tu nous parles souvent de s'observer. Comment peut-on observer quelque chose qui nous vient de l'intérieur et non de l'extérieur pour savoir contrôler ou apaiser une peur, une émotion ou un sentiment, ou pour l'harmoniser? Bon. L'observation, c'est quelque chose de fondamental et de fondamentalement facile pour l'homme qui veut se conscientiser. Pour l'homme qui veut prendre conscience. Conscience individuelle, c'est important. C'est extrêmement facile, sauf que tant qu'on n'a pas compris exactement ce qu'était l'observation, on peut faire fausse route. C'est compliqué à expliquer parce que c'est exactement comme vouloir expliquer ce qu'est la lumière à un aveugle de naissance. Lorsque vous avez vu, on peut vous expliquer parce que vous pouvez comprendre. Mais tant que vous n'avez pas vu, c'est compliqué. L'observation de soi, c'est la même chose que l'observation de l'extérieur. Premier critère de l'observation, pas de jugement. Et l'homme pense souvent que ne pas juger veut dire ne pas maudire. J'ai bien dit pas de jugement. Donc, pas d'accréditation, pas de discréditation. Ce n'est ni beau, ce n'est ni laid. C'est l'observation. Lorsque j'observe quelque chose, je le vois comme il est. Il n'est ni beau, ni grand, ni haut, ni laid. Il est. S'il ne peut contenir le volume de liquide que je mets dedans, je le sais. Mais je n'ai pas besoin d'analyser dans ma tête. Ah ben ça, c'est trop petit. Et il y en a beaucoup qui ont la mauvaise habitude de réfléchir en parlant. Ce qui les limite énormément, ils ne peuvent pas réfléchir rapidement parce que la parole n'a pas la même vitesse que la pensée. Et chaque fois que nous parlons dans notre tête, nous ralentissons encore notre flot de pensée. Ce qui nuit à l'efficacité de l'homme. Lorsque j'observe, j'observe une chose et elle est ce qu'elle est. Lorsque quelque chose naît en moi, une émotion, je parlais de la peur hier à la radio. Lorsque cette peur naît en moi, si j'observe, pas ma réaction, je laisse la peur monter. Je sens mon cœur s'accélérer. Je l'observe. Mais ça, c'est biologique. Je dois essayer d'observer l'énergie de la peur. Le cœur qui accélère, pas la peur. C'est un symptôme biologique de la peur. Une preuve que votre corps physique est manipulé dans votre psychologie d'une façon qui n'est pas harmonieuse. Le cœur pompe pour rien. On transpire pour rien, etc. Plus ça va, plus on a peur. Observez l'énergie. Si je crée des émotions chez vous ce soir, je le ferai pas. À un moment donné, je vais le faire. J'ai déjà fait. J'ai perdu la moitié de ma salle. Si, quand vous avez une émotion, il y a quelque chose qui passe en vous. C'est ça qu'il faut observer. Pas la mentaliser. Tiens, je suis encore en train de... il faudrait que je me contrôle. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est de l'intellectualisation de l'émotion. On la tue, mais on ne la laisse pas mourir seule. On la tue, donc on ne peut pas la connaître. Et lorsqu'elle revient, elle nous ramasse encore. On ne la connaît pas. Il faut pas contrôler. Le contrôle, c'est une tuerie, c'est un massacre. L'homme se contrôle depuis des milliers d'années. Et l'homme a toujours besoin de se contrôler. Premièrement, ça se transmet pas par la génétique, le contrôle. L'évolution se transmet par la génétique, pas le contrôle. Et deuxièmement, ça l'amène toujours une lutte chez l'homme. Ce qui n'est pas adéquat non plus. L'homme passe son temps à se battre. Puis il gagne pas, puis il perd pas. Il se bat. Tout le temps. C'est ridicule. L'émotion, l'énergie passe en vous, elle vient en vous. Faites juste essayer de centrer votre conscience sur l'énergie. Sur l'émotion. Elle est ni belle, ni mauvaise, ni laide. Rien. Elle est là. Mais le maudit problème, c'est que vous allez être capable d'essayer d'observer une émotion que vous allez appeler négative chez vous. Vous devez observer l'émotion chez vous. Que ce soit la peur, que ce soit la gêne, que ce soit le plaisir, que ce soit la jouissance, que ce soit le bonheur, observez l'émotion chez vous. Et là, vous allez connaître ce qu'est l'émotion, vous allez connaître d'où elle vient, où elle va, par où elle passe et où elle meurt. Et vous n'aurez plus cette manipulation émotive. Vous allez être capable d'aimer quelqu'un comme jamais l'homme n'aura aimé. Vous allez être capable de travailler en fonction de l'aide, en fonction de différentes choses, comme l'humain ne le fait pas. Mais vous ne serez plus capable d'haïr. Parce que c'est une perte d'énergie d'haïr. Ça fait partie des pertes d'énergie. Mais pas se contrôler pour ne pas haïr. Parce que là, on lutte, on perd de notre énergie. Au lieu de l'exprimer à l'extérieur, on la brûle à l'intérieur. Ça, on va revoir ça surtout la semaine prochaine. Mais l'homme ne doit pas contrôler, l'homme doit s'observer. Vous avez peur? Hey! Oui. Il se passe des choses. Immédiatement. Puis ceux qui m'écoutent pas, qui sont capables de s'observer, sont capables de mettre en pratique quelque chose. Faut vivre, faut le faire. Observez ce qui se passe. Là, je vais les réveiller un petit peu. Mais quand il se passe des choses chez vous dans votre vie, ceux qui se sentent frustrés peut-être que j'ai crié là, parce qu'ils sont fait surpris, là, parce qu'ils sont trop orgueilleux, là, puis ils se disent « Crime, il m'a surpris, puis c'est de sa faute. » Tu sais. Ben, c'est le temps, observez. Il y a quelque chose qui se passe en vous, là, qui gruge, qui fait quelque chose. Puis pour se défendre, on le met sur le dos de l'autre. Observez-vous, puis ça s'en va tout seul. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas du spiritualisme, c'est de la pratique. Observez-vous. Ça s'en va tout de suite, intellectualisez-le pas. Dites pas, ben ça se peut pas, faites-le. Puis après 300-400 fois, vous allez voir, ça marche. C'est pas vrai, bien plus vite que ça. Mais vous devez observer l'émotion qui passe en vous, puis cette émotion-là se désagrège tout seul, sans douleur, sans contrôle, puis vous allez être bien. Essayez-le, vous allez voir. Il n'y a rien de mieux. On peut pas se fier quand tu dis que tu le fais pas voir. Ouais, puis je t'ai pas pour dire que c'est le dernier. Où pourrais-je avoir des connaissances sur l'harmonisation des corps supraconscients et ceux dont vous avez parlé? Bref, comment faire le lien? Bon, premièrement, en ce qui concerne les corps supraconscients, parlons seulement d'un seul corps qui n'est pas créé encore dans l'individualité de l'homme, parce que l'homme n'a pas encore de corps mental individuel. Donc, je m'adresse donc à cette personne peut-être plus précisément. Le seul corps qui est en création au niveau du plan planétaire, c'est le corps supramental. Le corps bouddhique et le corps divin n'existent qu'en en potentiel. Ce sont des réalités potentielles, ce ne sont pas des réalités actuelles. Donc, l'homme n'a pas de corps divin, l'homme n'a pas de corps bouddhique dans la réalité planétaire. L'homme est présentement en train de se constituer un corps supramental dans la réalité planétaire. Ce corps supramental sera individualisé lorsque l'homme aura un corps mental individuel, personnalisé, donc désassujetti de la conscience collective. L'harmonisation des corps planétaires, donc du corps physique, vital, astral et mental, avec le corps supramental, ne va se faire que par l'intermédiaire d'un autre plan d'énergie que nous appelons en termes ésotériques ajusteur de pensée. Cet ajusteur de pensée va s'occuper lui-même, en collaboration avec le plan mental personnalisé de l'homme nouveau, et de l'énergie supramentale qui tend à descendre chez l'homme, de faire en sorte qu'il y ait une harmonisation entre l'homme et ses plans extraplanétaires, qui sont des plans humains, mais non planétaires. Parce que l'homme n'est pas une planétaire. Si on regarde simplement la conscience, évidemment, cette terminologie, peut-être pour les personnes qui ne sont pas habituées, on va y revenir suffisamment, et vous allez voir qu'on a besoin de termes pour pouvoir clarifier ce que l'on pense. Évidemment, il faut apprendre ces termes avant. Lorsque l'harmonisation planétaire va se faire lorsqu'il y aura une fusion réelle des corps psychologiques de l'homme, lorsque l'homme va cesser d'être colérique, puis deux secondes après calme, et deux secondes après colérique, lorsque l'homme va avoir différentes personnalités facilement chambranlantes chez lui, lorsqu'il y aura eu une fusion des corps psychologiques, lorsqu'il y aura eu une fusion des corps planétaires, ce qu'on va, disons, aborder un peu dans deux semaines, lorsqu'il y aura eu cette intégration fusionnelle des corps planétaires, l'homme va commencer à travailler avec une nouvelle forme d'énergie, l'ajusteur de pensée, et l'homme va commencer à découvrir une troisième conscience chez lui. Présentement, l'homme a une conscience intellectuelle, l'homme a une conscience intuitive, ce qui va créer la religion du côté de l'intellect, de l'intuition, et la science du côté de l'intellect. L'intellect n'a pas besoin de l'intuition, l'intuition se fout royalement de l'intellect. Un être humain qui est plus intellectualisé va s'en aller vers la science. Un être humain qui est plus intuitif va se diriger vers la religion, vers la spiritualité. Et prochainement, l'homme nouveau va être capable de synthétiser, c'est-à-dire d'harmoniser et la religion et la science. Et il sera capable d'avoir un point de vue supérieur à la religion et à la science. Et cela va se faire par le contact avec l'énergie supramentale, chose qui est de plus en plus probante au niveau de l'échelle du Québec, pour différentes raisons telluriques. Et lorsque l'homme aura accès à cette nouvelle conscience, l'harmonisation va se faire d'elle-même. Ce n'est pas l'homme planétaire qui va harmoniser le travail entre l'énergie supramentale, l'énergie de l'ajusteur de pensée, l'énergie de l'autodisciplinaire et ces choses-là. Cette harmonisation va se faire seule parce que l'homme sera intelligent, parce que l'homme sera suffisamment mental et parce que l'homme aura suffisamment d'énergie dans son corps physique pour pouvoir supporter le passage de l'énergie supérieure, donc le passage de l'énergie supramentale. L'énergie supramentale, on a déjà connu dans l'Antiquité biblique, certaines terminologies qui s'y rapportaient, comme par exemple l'énergie du Saint-Esprit, Lorsque les apôtres ont eu cette connaissance instantanée, cette connaissance immédiate de différentes langues, connaissance de la guérison, connaissance de toutes ces choses-là, connaissance sans expérimentation, ben, ils avaient ce contact supramental. Et ce contact supramental va se faire chez l'homme, mais il va être exclu du plan religieux, c'est-à-dire que ça va se faire chez l'homme individuel et non pas chez l'homme collectif. Ça ne se fera pas dans une conscience collective, ça ne peut pas se faire dans une conscience collective, cela va devoir se faire dans une conscience individuelle. Et l'homme n'aura pas besoin d'harmoniser son être-té avec cette conscience supramentale, parce que cela va se faire tout seul. L'homme veut tellement faire de choses qu'il dénature complètement son mode d'évolution. Maintenant qu'il est dénaturé, l'homme doit maintenant faire quelque chose pour le renaturer. Une fois que cela est fait, l'homme n'a plus rien à faire. Tout se fait tout seul. On a-tu le temps pour un autre? Oui. Ah, possiblement. Oui. Possiblement, OK. La femme nouvelle sera-t-elle menstruée? Tu as déjà mentionné que les menstruations n'étaient pas normales. Comment alors peut-elle y avoir ovulation et procréation? Bon, Disons que j'ai déjà parlé du phénomène de la menstruation chez la femme au niveau de phénomène d'évolution, mais je n'ai pas dit que c'était anormal, la menstruation. C'est différent. La menstruation est une perte énergétique chez la femme. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel dans l'étape actuelle de l'expression féminine. Comme l'homme a besoin de relations sexuelles, disons, de temps en temps, beaucoup plus que la femme d'ailleurs, et c'est naturel, ce n'est pas anormal, c'est tout à fait normal. Par contre, l'homme, dans une relation sexuelle exagérée, va perdre énormément d'énergie vitale et la femme, dans son ovulation, va perdre aussi de l'énergie vitale parce qu'elle crée la vie qu'elle éjecte. Comme l'homme va faire la même chose, dans une relation sexuelle exagérée, il y a des spermatozoïdes, il y a la vie, il y a des cellules totalement vivantes. Hein, j'ai déjà expliqué que même une personne âgée va enfanter un enfant qui aura une peau de bébé, totalement neuve, même si elle n'a pas cette possibilité. Donc, ce n'est pas anormal. À un moment donné, il va se passer des choses au niveau de ce genre de phénomène. Et lorsque l'homme voudra procréer pour transmettre l'évolution et non pas simplement pour jouir, et ce n'est pas mal de jouir de la sexualité, maintenant, c'est mal de trop en jouir. Hein? Lorsque l'homme va vouloir procréer, il aura ce qu'il faudra pour procréer. La femme pourra aussi avoir une ovulation de façon à pouvoir procréer. Mais ça, c'est quelque chose, à un moment donné, il faut voir le contexte aussi de la conférence et dans quel ordre chronologique cela se plaçait. Or, c'est tout à fait normal d'être menstruée pour la femme. La preuve, elle est menstruée. Bon, c'est donc normal. Maintenant, la femme va continuer sa menstruation, l'homme va continuer son processus sexuel pendant un laps de temps, et lentement, les deux vont facilement arriver à un autocontrôle d'une façon énergisée. Donc, d'une façon énergétique. Mais c'est tout à fait normal et la femme va continuer à ovuler pour pouvoir procréer, évidemment. Je vois difficilement. C'est pas que la femme enfante, sans savoir. Il paraît que c'est déjà vu. Mais ça, c'est autre chose.